des territoires. Le plan n'impose plus un retrait ukrainien de la région du Donbass, ni l'engagement juridique qui assurerait que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN. Des demandes importantes du Kremlin qui n'a pas pour le moment commenté Sylvain Tronchet. Sans surprise, c'est sans enthousiasme apparent que le Kremlin a expliqué aujourd'hui avoir bien reçu les nouvelles propositions de plan de paix issues des dernières discussions entre Ukrainiens et Américains. Mais pour les commentaires, il faudra repasser. Le porte-parole de la présidence russe a expliqué que Moscou transmettrait ses réponses à Washington par les voies habituelles, tout en précisant que la Maison-Blanche connaissait déjà la position de Moscou, façon de signifier que rien n'avait changé sur le fond. Dès ce week-end d'ailleurs, alors que les discussions de Miami n'étaient même pas terminées, un conseiller du Kremlin avait déjà dit que, de son point de vue, il ne pouvait rien en sortir de positif. Si, comme souvent, le Kremlin évite de refuser frontalement une proposition en provenance de Washington, il est probable que le plan tel que présenté par Volodymyr Zelensky aujourd'hui franchisse de nombreuses lignes rouges pour Moscou, notamment sur la question des territoires, mais aussi parce qu'il ne comporte pas de renonciation claire de l'Ukraine à entrer dans l'OTAN, autant de points sur lesquels Vladimir Poutine s'est toujours montré inflexible. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter. Sylvain Tronchet, correspondant à Moscou pour France Inter. 2800 foyers n'ont toujours pas d'électricité ce soir dans l'Aveyron à cause des chutes de neige. Dans l'Hérault, quelques dizaines de clients Enedis n'ont toujours pas de courant, mais la grande majorité des foyers ont été réalimentés. Des coupures après d'importantes précipitations qui ont fait monter le niveau de certains cours d'eau dans l'Hérault. Une île vendéenne demande à être rattachée à la Bretagne. C'est l'île Dieu. Action surtout symbolique de la mer et de certains habitants pour dénoncer l'arrêt au 1er janvier des subventions de la région Pays de la Loire. Cet argent qui sert à financer l'entreprise qui assure la liaison par hélicoptère avec le continent, ce qui a mis en colère les habitants de l'île, Valérie Lenigène. Le Gwenadu, le drapeau breton brièvement levé devant la mairie. L'action n'est que symbolique, mais il s'agit de protester contre l'augmentation du tarif de l'hélico qui passe de 53 à 84 euros pour les Iliens au 1er janvier. En cause, l'arrêt de la subvention de la région Pays de la Loire à l'entreprise qui assure les liaisons aériennes avec le continent. Carole Charuot, la maire de l'île Dieu. La région des Pays de Loire a décidé de supprimer sa subvention de 250 000 euros à Oya Hélicoptère qui fait la liaison entre le continent et l'île Dieu parce qu'elle pense que c'est illégal. On sait bien que cette subvention pose des problèmes de légalité, sauf que la région Bretagne a tout compris bien avant nous. Il existe une délégation de services publics qui lie Brest à Ouessant et donc c'est la région de Bretagne qui subventionne cette liaison. Donc on aurait dû faire pareil. La région Pays de la Loire est d'accord pour opérer comme en Bretagne, mais il faudra plusieurs mois pour monter cette fameuse délégation de services publics. Une nouvelle réunion à Nantes est prévue courant janvier. En attendant, cette demande symbolique de rattachement d'une île vendéenne à la Bretagne n'a pas fini de faire sourire. Un reportage de Valérie Lenigène d'ici Brézizel. À l'heure qu'il est, vous êtes sans doute en train de digérer la bûche de Noël, un bon repas auquel ont eu droit une centaine de personnes lors d'un réveillon de Noël solidaire à Belfort ce soir. C'est le Frater Noël, un moment de partage dans une salle du Secours catholique. Un repas gratuit pour partager un moment chaleureux ensemble, Noé Marché. Après l'installation des tables, Abdoul dépose les serviettes. Ce bénévole participe aussi à la soirée du réveillon pour l'ambiance. On a dansé, on a profité, on a joué aussi. Pélagie range les cadeaux à distribuer aux enfants. C'est comme si je me retrouvais ici en famille. Elle fête Noël avec le Secours catholique depuis 6 ans. Ce moment convivial, ce moment de se réunir tous ensemble et de pouvoir passer des bons moments. Pouvoir fêter, ne pas être toute seule chez moi. Je suis d'origine centrafricaine, donc ma famille vit en Centrafrique. La star de la soirée, c'est Serge, plus connu sous le nom de Père Noël. J'ai tout préparé, le costume est là. Il a commencé à participer au réveillon solidaire il y a 10 ans maintenant. Accident de la vie, puis le Secours catholique m'a apporté beaucoup de réconfort. Ce que le Secours catholique m'a apporté, je le redonne autrement. Ce qui est important dans ces jours-là, c'est que chacune des personnes qui vient se sente comme chez elle. Marie Besançon, l'organisatrice de ce Frater Noël. Et que chacun puisse prendre sa place et se dire je ne suis pas invitée au Secours catholique, mais je viens vivre mon réveillon. On fait ça tous ensemble et à la fin, on repart tous avec nos petits présents pour que ce soit une belle fête. Des Legos pour les enfants et des kits bien-être pour les adultes pour prendre un moment rien que pour soi. Un reportage de Noah Marché d'ici Belfort-Montbéliard. Tout de suite, un œil sur le ciel. La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature. Et la neige s'invite en pleine pour la nuit de Noël. C'est une nuit blanche pour le Père Noël, avec de la neige en pleine entre le nord-est et la basse vallée du Rhône. Sur l'axe de l'autoroute A7, la Drôme et l'Ardèche sont placées en vigilance orange neige-verglas, avec 5 à 10 cm de neige attendue, nous dit Météo France. Neige qui va ensuite blanchir les plaines du centre-Val de Loire, puis la Bretagne et la Normandie au petit matin. Retour d'un ciel clair après cet épisode neigeux, soleil partout en France, sauf sur l'Occitanie, qui renouera avec des faibles pluies dans un premier temps, pluies qui vont s'intensifier vendredi. Les Alpes du Sud resteront aussi sous un ciel couvert avec quelques averses de neige. Nuit blanche donc et parfois glaciale, notamment à cause du vent. Moins 6 à Rodez au lever du jour, moins 3 à Lille, Nantes et Montauban, moins 1 à Brest, Paris, Dijon, 0 pour Strasbourg, 1 degré pour Biarritz et Avignon. Il fera entre 1 à 17 degrés, le grand écart, de Dunkerque à Bastia demain après-midi. Merci Elena Morna. Cette semaine à 16h, venez enquêter. Avec France Inter. Qui se cache derrière la romancière la plus lue au monde ? I am Agatha Christie. Sonia Fairchak. Comment expliquer le succès de son œuvre encore aujourd'hui ? Monsieur Poirot. D'où viennent Miss Marple et Hercule Poirot ? You know, Inspector, some of the best. Emboîtons-leur le pas pour explorer la vie et l'œuvre de la reine du crime. Un thé avec Agatha Christie. C'est toute cette semaine à 16h sur France Inter. France Inter, il est 23h11, affaire sensible avec Fabrice Rouel. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les Jeux Olympiques de Berlin, des Olympiades en trompe-l'œil. Août 1936, l'Allemagne nazie offre au monde un spectacle impressionnant et une première démonstration de force. Adolf Hitler, chancelier depuis 3 ans, jubile. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, exulte. Ces Jeux ne sont pas qu'une compétition sportive. Ils sont un test, une répétition générale du rôle que l'Allemagne entend jouer sur la scène internationale. Dans les tribunes, les dignitaires, étrangers, fascinés, observent la mise en scène qu'ils ont longtemps hésité à cautionner. Leni Riefenstahl, cinéaste du régime, fige l'image flatteuse d'une Allemagne qui se donne un exemple au monde, moderne, pacifique, triomphante. On connaît la suite, 5 ans d'horreur à venir. Et puis surtout ce trouble fait de Jesse Owens, coureur noir, qui écrase tout. Les records, la propagande et l'idéologie nazie. L'Allemagne se rêve invincible, c'est un athlète noir qui entre dans l'histoire. Notre invité aujourd'hui, Fabrice Abgral, journaliste à la direction des sports de Radio France, co-auteur avec François Tomaso du livre 1936, la France à l'épreuve des Jeux Olympiques de Berlin, aux éditions Alvic. Affaires sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct. Récit documentaire Florence de Talouette. Coordination Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca de Nantes. Réalisation Charles de Cilia. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Le ciel est lourd à Berlin en cet après-midi du 1er août 1936. Dans l'immense stade de la capitale allemande, 100 000 spectateurs retiennent leur souffle. L'excitation est palpable, électrique. Les fanfares se font entendre, la cloche monumentale résonne, les drapeaux des nations se figent, et Hitler apparaît. Flanqué de ses ministres et des éminences du Comité international olympique, il descend lentement le grand escalier de la porte de Marathon. Une vague se lève des gradins. Les spectateurs se dressent d'un seul mouvement, bras tendus vers le ciel. Le stade résonne d'un même rugissement, Heil Hitler. Puis l'orchestre attaque les premières notes solennelles de la marche d'hommage de Wagner, l'idole d'Hitler. L'écho des cuivres, alors, emplit l'air. Triomphant, jouissant de façon ostentatoire de son pouvoir, comme d'habitude, et plus encore ce jour-là, Hitler traverse la pelouse pour atteindre sa loge. Il surplombe maintenant le stade à la manière des souverains antiques, avec la complicité d'une partie de son peuple qu'il a lui-même creusé sa tombe. Ce jour-là, les fleurs du mal exhalent un parfum de fête et de force. C'est bien le but de la manœuvre. Alors Hitler vient se poster devant son micro, comme lors des grands rassemblements de son parti, mais cette fois, ce n'est pas la diarrhée verbale habituelle, non. Il n'a droit qu'à une phrase. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Le défilé commence. La Grèce ouvre la marche, comme le veut la tradition. Puis, une à une, les nations défilent en ordre alphabétique. Entre la Finlande et la Grande-Bretagne, la France fait une entrée remarquée. Béret, blazer impeccable, pantalon d'un blanc éclatant, cravate tricolore. Les 201 athlètes avancent avec une élégance toute française. Fiers, droits, ils semblent vouloir compenser leur réputation de turbulents indisciplinés. Et alors qu'ils approchent de la tribune officielle, d'un même mouvement précis et majestueux, les bras droits de nos sportifs français se lèvent à l'horizontale, à hauteur d'épaule. Le geste est fluide, presque chorégraphié. Et il ressemble à s'y méprendre au salut nazi. Il ressemble seulement. Mais l'effet crée un certain malaise. Pendant une fraction de seconde, le public se tait avant qu'une explosion de clameurs enthousiastes ne parcourt les gradins. Le stade se lève alors en une onde vibrante. La France, vainqueur d'hier, ennemi toujours, est acclamée d'une seule voix. Noël Mandernotte, le plus jeune barreur de l'aviron des Jeux, un enfant, se tient avec un sérieux d'adulte. Et lui aussi tend le bras avec force. 50 ans plus tard, au micro de Fabrice Arboral, sur France Inter, il se souvient. Quand on est arrivé devant la tribune, bien entendu, on a fait le salut olympique, qui se faisait depuis toujours d'ailleurs. Ça s'appelait à l'époque le salut de Joinville. On a tourné la tête pour regarder la tribune, puis on a tendu le bras. Oh là là, une explosion, alors là c'était... Le gouvernement français, surtout un gouvernement de gauche en plus, qui aurait pu s'éviter de nous le faire faire, en nous disant que le salut nazi ressemble étrangement à ce salut. À tel point que même Hitler était surpris. Il a compris qu'il y avait une méprise de la part des gens qui croyaient qu'on faisait le salut hitlérien. C'est pas ça, mais eux, ils pensaient que... Oui, bref. Et enfin, l'acte manqué est total. Et la maladresse, l'inconscience des Français d'autant plus flagrante que les autres délégations, elles, optent pour des gestes plus neutres. Les Australiens retirent leur Panama en approchant de la tribune officielle. Les Américains avancent, chapeau posé sur leur cœur. Même les Belges soulèvent simplement leur canotier. Tandis que les Britanniques, classe, se contentent de tourner brièvement la tête vers les tribunes. Hitler la prendra à ses dépens pendant la guerre. On ne la fait pas au Royaume-Uni. Il y a des citadelles imprenables. La cérémonie culmine avec une nuée de pigeons qui s'envolent comme autant de promesses de paix. Pourtant, le stade est couvert de drapeaux à la croix gammée et la sécurité de l'événement est assurée par l'ensemble de l'appareil militaro-policier de l'État hitlérien. Cette engeance criminelle, SA, SS, Gestapo, jeunesse hitlérienne. Mais le spectacle, à cet instant, est total. La grande messe olympique aux couleurs nazies se déploie avec une sonalité impeccable. Le régime nazi est un spécialiste du genre. Tout le monde a en tête les immenses rassemblements type Nuremberg. L'ordre et la force, toujours. Pendant quelques instants, on en oublierait presque les débats houleux et les passions brûlantes qui ont précédé ces Jeux olympiques. Alors, comment en est-on arrivé là? Le 16 mai 1931, la République de Weimar, nom sous lequel on définit alors la démocratie allemande, subit de plein fouet le krach de 29. Pourtant, c'est bien l'Allemagne qui est désignée pour accueillir les Jeux. En vérité, le CIO veut frapper fort. Ce sera un message de réconciliation internationale. Une tentative de refermer les plaies béantes laissées par la Grande Guerre, 13 ans auparavant. Après tout, Berlin aurait dû organiser les Jeux en 1916, annulés par le conflit. Jusque-là, rien d'anormal. Au contraire, la décision du CIO est plutôt pertinente. Mais personne à l'époque ne peut imaginer que l'Allemagne s'apprête à sombrer dans la dictature. Hitler est incontournable. Le 30 janvier 1933, il est nommé chancelier. C'est l'apothéose pour les militants du NSDAP, le Parti National Socialiste, qui le soir même défile devant leur chef. Oubliez les complots, les putschs manqués des débuts, les nazis arrivent légalement au pouvoir. Certes, ces SA qui défilent ont bien semé la terreur à chaque élection, mais Hitler a également su passer des accords, nouer des intrigues avec d'autres forces politiques. En accédant au pouvoir, Hitler hérite donc des Jeux. Mais le nouveau chancelier est loin d'être enthousiaste. Cet homme au physique malingre ne sait ni nager, ni faire du vélo, n'a aucun intérêt pour le sport. Pour lui, les JO ne sont qu'une frivolité bourgeoise. Dépenser des millions pour un tel événement, absurde. Mais autour de lui, on en perçoit bien l'enjeu. à commencer par Theodor Lewald, président du comité d'organisation allemand. L'homme l'a bien compris, ces jeux-là, au-delà de la simple célébration sportive, peuvent devenir un outil de propagande redoutable. Reste à convaincre Hitler. Lors d'une entrevue cruciale, accompagnée de l'exalté Joseph Goebbels, Theodor Lewald joue sa carte. Il promet au Führer que les Jeux Olympiques peuvent devenir une vitrine éblouissante pour le Troisième Reich. Bon, d'accord, mais à une condition. Ces Jeux devront être les plus spectaculaires que le monde ait jamais vus. Le chantier démarre, il est titanesque. Le budget initial, fixé à 2 600 000 marks, explose. La facture atteint en vérité les 36 millions. Mais qu'importe, l'objectif est clair, faire des Jeux l'apothéose du régime nazi. Cette démesure ne répond pas seulement à une ambition sportive et architecturale. Elle s'inscrit aussi dans la stratégie économique du Reich. Les Jeux doivent servir l'industrie, l'emploi. Alors le directeur du chantier claironne. Pour donner du travail et du pain au maximum de chômeurs, nous effectuons les travaux avec aussi peu de machines que possible, afin de soutenir le travail manuel d'une manière presque anti-économique. Une pierre deux coups. Hitler façonne une Allemagne triomphante aux yeux du monde et devient le garant de la prospérité économique nationale. D'ailleurs, tous les sports tombent sous la coupe du parti nazi. Dans chaque ville, des infrastructures sportives modernes sont construites. Les jeunesses hitlériennes prennent en main l'éducation des jeunes, mêlant en programme sportif obligatoire et endoctrinement idéologique implacable. Cela dit, Hitler n'invente rien. Le sport a souvent été un instrument des dictatures. Ainsi, en Allemagne, les clubs traditionnels disparaissent, dissous ou absorbés dans des structures nazifiées. Et les athlètes d'élite, eux, profitent des avantages dignes du professionnalisme. Dans le même temps, l'inquiétude gagne la scène internationale. Des voix s'élèvent. L'Allemagne est-elle en train de franchir la ligne rouge en professionnalisant ses athlètes, défiant ainsi les règles olympiques qui réservent la compétition aux seuls amateurs? Et surtout, prendre part à ces Jeux, n'est-ce pas cautionner l'idéologie nazie? Henri Bailly-Latour, président de CIO, s'alarme. Le 3 mai 1933, depuis son bureau de la Villa Montrepos à Lausanne, il s'exprime sans détour dans une lettre qu'il adresse aux autorités allemandes. Il est indispensable que M. Hitler soit préalablement mis au courant que les Jeux sont donnés à une ville et non à un pays, qu'ils n'ont aucun caractère politique, racique, national, confessionnel. Au cas où ces conditions ne recevraient pas l'approbation du chancelier, il serait préférable que la ville de Berlin retire sa candidature. En réponse, le responsable des affaires sportives d'Hitler explique qu'il est inconcevable qu'un chef d'État représentant 65 millions de personnes soit tenu de confirmer par écrit une déclaration qu'il a déjà faite verbalement. Tous les athlètes, quelle que soit leur origine, seront traités sur un pied d'égalité. Cette déclaration convainc Henri Bailly-Latour. Cela n'empêche pas, quelques mois plus tard, Hitler de promulguer les lois de Nuremberg. En même temps qu'il menace à l'extérieur, Hitler décide d'étendre son système de terreur à l'intérieur. Le 11 août, les SS organisent des opérations antisémites dans toute l'Allemagne. Mais l'intimidation ne suffit pas. Il faut mettre les Juifs au banc de la société. Le Führer profite du rassemblement annuel du parti nazi à Nuremberg pour annoncer sa politique en la matière. Le 15 septembre, il y présente deux lois. La première concerne le droit de citoyenneté, la seconde la protection du sang allemand. Les lois de Nuremberg vont faire des Juifs des citoyens de deuxième catégorie. Réduits au statut de paria, les athlètes juifs sont bannis des clubs. Et dans le cas très rare où ils parviennent à accéder aux clubs allemands, ils sont systématiquement écartés des épreuves éliminatoires, sous des prétextes fallacieux, évidemment. Une exception tout de même, Hélène Mayer, escrimeuse de talent, considérée comme demi-juive selon les lois raciales, intègre l'équipe du Reich. Mais son rôle est clair. Elle n'est qu'une caution, un alibi, destiné à masquer la réalité des discriminations aux yeux du monde, un moyen de donner des gages à l'opinion internationale. Mais personne n'est dupe, et à l'étranger, les esprits s'échauffent. Comment concilier l'esprit de fraternité des Jeux avec un régime qui bafoue si ouvertement ses principes? Aux États-Unis, organisations juives, clubs sportifs et syndicats appellent au boycott. Les manifestations se multiplient, tandis que des éditoriaux enflammés réclament une position ferme. En France, les débats sont tout aussi vifs. Et le contexte qui se tend inexorablement avec la remilitarisation de la Rhénanie n'arrange rien, bien sûr. Comme le montre ce reportage des actualités françaises. Enhardi par ses succès intérieurs, Hitler déchire le traité de Locarno signé par son pays en 1925. L'Allemagne acceptait alors librement de ne pas militariser la Rhénanie, zone tampon garantissant la sécurité de la France et de la Belgique. Mais début mars, des éléments de l'armée allemande pénètrent en Rhénanie. La Reichswehr, dont les régiments forment très vite plusieurs divisions, entre dans les villes de Düsseldorf et de Cologne. Hitler propose un traité de non-agression à la France. Cinq jours plus tard, au palais St. James à Londres, a lieu une réunion extraordinaire du Conseil de la Société des Nations. Les diplomates essaient de trouver une réponse au coup de force allemand en Rhénanie. Ribbentrop, ambassadeur du Reich en Grande-Bretagne, est sommé de s'expliquer. Et la SDN se borne à une condamnation de l'Allemagne. Le coup de force est total et le geste calculé. En violant délibérément les accords internationaux, Hitler mise sur l'inaction des démocraties européennes, ce qu'il vérifiera 2 ans plus tard avec les accords de Munich. À Paris, toutefois, l'écho de ce coup de force fait exploser les tensions et se cristallise à l'Assemblée nationale sur une question qui divise profondément la classe politique. Faut-il accorder la subvention pour permettre aux athlètes français de participer aux JO de Berlin? Quand certains prônent la prudence diplomatique, d'autres défendent les idéaux universels du sport, tandis que les voix les plus combatives dénoncent une mascarade orchestrée par Hitler. Florimond Bonte, membre du Parti communiste par exemple, déclare « Aller à Berlin, c'est être complice. La cloche olympique retentira comme un lugubre tocsin qui sonne l'appel aux armes. On ne peut pas s'associer à cette caricature des Jeux dont les Juifs, les démocrates, les communistes vont être brutalement écartés. » Parole lucide, visionnaire, forte, auquel le député François Pietri, membre de la droite modérée, rétorque avec un pragmatisme glaçant. N'y a-t-il pas d'autres pays qui usent à l'égard de certaines catégories de citoyens de procédés à peu près analogues? Croyez-vous, par exemple, qu'aux États-Unis, les Noirs soient si facilement accueillis dans les clubs sportifs? À l'heure des votes, seul Pierre Mendès France, jeune député radical socialiste, s'oppose frontalement à l'attribution des fonds. La majorité de la Chambre, elle, et malgré le malaise ambiant, suit la ligne de prudence dictée par Léon Blum, récemment arrivé au pouvoir avec le Front populaire. Le socialiste préfère éviter d'affronter seul et de front ce voisin encombrant qu'est l'Allemagne. Encombrant et aux réactions imprévisibles. Alors pour calmer son aile gauche et ne pas donner l'impression d'une capitulation morale, une partie des subventions est également attribuée au contre-jeu de Barcelone. Initiative antifasciste, jeu populaire. Prévu à partir du 19 juillet 1936, ils n'auront jamais lieu. Le 18, un jour avant, le coup d'État franquiste emporte tout sur son passage. Le fascisme a le vent en poupe à travers l'Europe, la machine est en marche. You surrender soon. L'actualité Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les JO de Berlin en 1936. Affaires Sensibles sur France Inter. Le 25 juillet, sur le sol allemand, les premiers athlètes commencent à arriver. Parmi eux, un jeune sprinteur noir américain dont les racines plongent dans les champs de coton de l'Alabama, Jesse Owens. Adolf Dassler, futur fondateur d'Adidas, lui fait essayer une paire de chaussures révolutionnaires qui pourraient bien le propulser vers la victoire. Et pendant ce temps, en France, les derniers détails sont réglés dans l'urgence. Billets de train à payer, intendance organisée et costumes pour la cérémonie d'ouverture commandés à hâte. Cette année nous apporte heureusement un 2 août plus pacifique. Et si de jeunes Français partent Berlin, ce n'est que pour de loyaux combats sur le seul terrain sportif. 2 août 1914, mobilisation pour la guerre. 1er août 1936, mobilisation pour le sport et la paix. À la gare de l'Est à Paris, l'effervescence est palpable. Les athlètes, sacs sur l'épaule et visages concentrés, montent à bord du train en direction Berlin. Sur le quai, on échange poignées de main, accolades et regards pleins d'espoir. Pour beaucoup, ce voyage ressemble à un rêve. Oui, une chance unique de se mesurer au reste du monde, de briller, de montrer que la France a du souffle. Mais derrière les sourires pointe un soupçon d'inquiétude tout de même. Ce n'est pas seulement une question de médaille. Il s'agit de savoir si la France peut rivaliser avec des Allemands surentraînés, galvanisés par l'ambition de leur régime. L'hebdomadaire Le Sport passe de main en main. On peut y lire comme une mise en garde. Toute notre nation sera jugée à travers cette poignée d'hommes qui porteront nos couleurs. Noël Van Der Noot, le plus jeune médaillé olympique, revient sur la portée symbolique de ce voyage. Je peux vous dire que par rapport à certains pays, nous, Français, étions beaucoup plus sensibles que d'autres au fait de se rendre en Allemagne. Car, de près ou de loin, tous ceux qui étaient dans la délégation avaient été concernés et touchés par la guerre de 14-18. Moi, j'étais dans une école où 30% des instituteurs étaient handicapés ou estropiés. Quand on est gamin, ce genre d'image marque à vie. L'Allemagne faisait peur et l'arrivée au pouvoir de Hitler n'a rien arrangé. On était inquiets. La frontière franco-allemande traversée, les regards scrutent ce pays qui fascine autant qu'il inquiète. Mais à part les bannières frappées de la croix gammée, rien ne semble particulièrement alarmant. Non, les drapeaux olympiques flottent joyeusement dans chaque gare traversée. Les slogans antisémites et les journaux xénophobes ont disparu. Les livres censurés sont réapparus, comme par magie. Voilà un pays fréquentable. L'objectif des Allemands est clair. Éblouir, séduire, faire taire les critiques. Le quotidien allemand Der Angriff résume. Nous devons être plus charmants que les Parisiens, meilleurs vivants que les Viennois, plus cosmopolites que les Londoniens, plus pratiques que les New-Yorkais. Assis dans le train, à côté de Noël Van Der Noot, il y a Étienne Dalou, le recordman de France junior du 1500 mètres. Bien plus tard, au micro de TF1, il se souvient de son arrivée à Berlin. Alors je suis arrivé, j'étais ahuri, mais complètement ahuri. Ça, je m'en souviens. Je ne comprenais pas, je voyais des choses étonnantes, tous ces jeunes gens en uniforme. On avait mis à la disposition de notre groupe un jeune garçon qui avait mon âge, qui était jeunesse hitlérienne, et avec qui la conversation était très agréable. Il parlait pas mal français, il parlait un peu anglais, on arrivait à se comprendre. Il était très sympathique, pas bête. Et de temps en temps, tout d'un coup, il sortait un couplet qui me laissait, mais vraiment, je ne comprenais pas. Face à l'apparente cordialité des nazis, André-François Poncé, ambassadeur de France à Berlin, est loin d'être dupe. Il écrit son inquiétude au ministère des Affaires étrangères, d'ailleurs. Et lui dit, vous savez, nous avons affaire à une Allemagne qui joue un jeu très serré, qui veut témoigner d'un esprit pacifique. Les marques d'estime dont nous sommes l'objet font partie de la propagande. Dans un mois, les étrangers auront repris le chemin de leur patrie et ils chanteront les louanges du Troisième Reich. Or, ils ignoreront tout de la tyrannie de la Gestapo, de la partialité monstrueuse, de la justice, de l'étouffement de toute opinion. Derrière les façades immaculées, en effet, la réalité est tout autre. Les indésirables sont méthodiquement effacés. Prostituées, gitans, opposants politiques, mendiants et autres individus considérés comme des parasites de la société sont enfermés dans des camps d'internement. L'ordre nazi repose déjà et intrinsèquement sur la répression. Sur l'exclusion. Pendant ce temps, les délégations s'installent dans le village olympique, conçu comme un modèle de cité idéale à une quinzaine de kilomètres de Berlin. Les bâtiments modernes, entourés de jardins, de forêts et de lacs superbes, offrent une vision idyllique d'un monde où règne harmonie et confort. On y croise des athlètes en plein entraînement, des journalistes fascinés par la propreté des installations, et même des curieux autorisés à visiter ce lieu exceptionnel, témoin de l'hospitalité allemande. Oh, le joli pays de Cocagne que voilà! Même le vieux baron Pierre de Coubertin, père des Jeux Olympiques modernes, a fait le déplacement. Sa voix, enregistrée à la RTS, résonne comme une déclaration de foi. J'ai l'impression que toute l'Allemagne, depuis son chef jusqu'au plus humble de ses écoliers, souhaite ardemment que la célébration de 1936 soit l'une des plus belles que le monde ait vues. Dès aujourd'hui, je veux remercier le gouvernement et le peuple allemand pour l'effort dépensé en l'honneur de la 11e Olympique. Berlin est devenu un décor de cinéma pour la propagande nazie. Au centre de ce projet, il y a Leni Riefenstahl. La cinéaste se voit confier une mission précise et délicate, projeter une image idéalisée du Reich sans qu'on y voie de la propagande. Mais c'est bien le ministère de cette même propagande qui tire les ficelles. Joseph Goebbels accorde à Riefenstahl des moyens colossaux. Une soixantaine de caméramens, des grues, des ballons pour les prises aériennes, des caméras subaquatiques pour les épreuves de natation, des tranchées pour obtenir des angles de vue uniques. Tout est minutieusement orchestré. C'est la fameuse efficacité allemande qu'on verra au service des pires causes, plus tard. Dans un documentaire de TF1, la cinéaste, protégée d'Hitler, se défend d'avoir réalisé une œuvre au service du régime nazi. Mes collègues étaient jaloux. Ils pensaient que j'étais la protégée d'Hitler. Ça n'était pas ça. Je n'ai pas eu tellement de contact avec Hitler. Il admirait mes films. Je n'étais pas la Pompadour du Troisième Reich. Je n'étais pas l'ange des années 30. J'étais seulement un metteur en scène. Et sans doute une très bonne réalisatrice qui fait des choix. Leni Riefenstahl filme une Allemagne qui brille au lancer de marteau, de poids et de javelot, des disciplines de guerre, de quoi enthousiasmer Hitler. Le film, Les Dieux du Stade, un très bon film d'ailleurs, n'est rien d'autre qu'une ode à l'Allemagne triomphante, qui se hisse en tête du classement des médailles, et évidemment, battant tous les records, avec pas moins de 89 breloques, or, argent et bronze. Mais un grain de sable vient enrayer cette mécanique bien huilée. Au cœur de cette mise en scène millimétrée de la grandeur arienne, un nom s'élève comme un défi magistral au projet nazi, Jesse Owens. Ce sprinteur noir américain fissure à lui seul la façade soigneusement construite par le Reich. Il devient l'incarnation d'un autre idéal, inattendu et incontrôlable. Des années plus tard, de retour dans le stade de Berlin, il raconte. Imaginez 120 000 personnes tout autour qui vous regardent. Vous pensez à ce que vous allez faire et tout à coup, c'est comme si vous étiez seul. Vous faites le vide. Il n'y a plus que les sept autres potentiels vainqueurs. Chacun veut gagner. Et la personne qui gagnera remportera le titre du coureur le plus rapide de l'humanité. Et vous savez que tout ce travail, celui des neuf dernières années, va se jouer en 10 secondes. Alors, j'attends les ordres des starters. Ils sont à 10 pas derrière moi. Je vais à mes marques et je me souviens. J'ai baissé la tête. J'ai regardé le sol, j'étais prêt, et j'ai entendu... Le coup de feu du départ déchire l'air. En 10 secondes et 3 centièmes, Jesse Owens vole vers la ligne d'arrivée, laissant ses adversaires loin derrière lui. La foule, d'abord saisie, explose en applaudissements. Les gradins s'enflamment. Mais dans la tribune officielle, Adolf Hitler se lève brusquement. incapable de supporter cette humiliation. D'autant qu'Owens n'en reste pas là. Sur le 200 mètres, il écrase la concurrence avec une aisance presque insolente. Mais c'est au saut en longueur que la légende s'écrit. Face à Louis Long, l'archétype de l'athlète aérien, le duel est intense, haletant. Les deux hommes sont à égalité. L'Allemand bénéficie du bruyant soutien du public du stade olympique. Puis vient l'instant décisif. L'ultime saut d'Owens. Il s'élance. Un bond magistral. 8 mètres 6. Le public est stupéfait. Record olympique. Un exploit qui tiendra 24 ans. Et là, au cœur de cette performance inouïe, une image bouleverse l'assistance. Louis Long, l'Allemand, va féliciter Jesse Owens. Leur accolade, fraternelle et sincère, offre un instant de grâce, une image en totale contradiction avec l'idéologie du régime. Le 9 août, Owens enfonce le clou en s'imposant avec ses coéquipiers américains sur le relais du 4x100 mètres, pulvérisant un nouveau record du monde. En 4 jours, l'athlète américain accomplit l'impossible. 4 médailles d'or, 4 victoires retentissantes. Un jour où je ne courais pas, notre comité a demandé si je pouvais m'asseoir dans la loge aux côtés de Hitler pour observer le spectacle. Sa réponse, évidemment, fut non. Ça me faisait rire. Nous étions là pour détruire le mythe de la suprématie aryenne. Quand vous pensez à tout ce que Hitler représentait, nous, les auxiliaires noirs de l'équipe américaine, repêchés dans les fonds de tiroir de l'Amérique, pour composer une équipe capable de tenir tête au surhomme de Hitler, nous étions là. Par la seule force de sa présence, Owens se dresse contre le racisme. Ses victoires, immortalisées par la caméra de Riefenstahl, portent un coup symbolique aux efforts du régime nazi pour imposer sa vision du monde, sa supériorité raciale, réelle ou supposée. Mais de retour aux États-Unis, c'est un comble. Owens n'est pas reçu par le président Roosevelt. Une amère réalité qui révèle les contradictions d'une Amérique encore profondément ségrégationniste. Pour les Français, le bilan des Jeux est plus terne. Classée cinquième, l'équipe olympique ne récolte que 19 médailles. Les responsables de la délégation, mal préparés, oublient même de convier leur champion à monter sur le podium. Ainsi, Noël Van Der Notte reçoit ses 2 médailles de bronze sur un coin de table, à la fin d'un dîner, comme de simples souvenirs de voyage. Il est temps de rentrer. Jacques Godet, rédacteur en chef de l'Auto, l'ancêtre de l'équipe, écrit « Nous quittons Berlin, bouleversé et inquiet. On s'est servi du sport, on ne l'a pas servi. Les Jeux sont devenus un moyen, une vitrine pour un régime et un peuple soumis à son maître. On est loin de la cécité du baron de Coubertin. Les Jeux de la 11e Olympiade s'achèvent le 16 août avec un discours du comte Henri Bellet-Latour, président de CIO. Après avoir offert au chancelier du Reich et au peuple allemand, aux autorités de la ville de Berlin, et aux organisateurs des Jeux, le tribut de notre profonde gratitude. Nous proclamons la clôture des concours de la 11e Olympiade et selon la tradition, nous convions la jeunesse de tous les pays à s'assembler dans 4 ans à Tokyo pour y célébrer avec nous les Jeux de la 12e Olympiade. Mais Tokyo n'aura pas lieu. Et tandis que le rideau tombe sur les Jeux, les ambitions du Reich grandissent. Et ce sont les ténèbres qui vont bientôt fondre sur le monde. Des ténèbres noires et vert de gris. Le lendemain de la cérémonie de clôture, le corps de Wolfgang Fürstner, commandant adjoint du village olympique, est retrouvé sans vie. L'homme qui a consacré 2 ans à bâtir ce village modèle disparaît dans des circonstances pour le moins troubles. La propagande nazie parle d'un accident survenu en nettoyant son revolver. Mais Fürstner portait en lui une tache indélébile aux yeux du régime, des origines juives. Quelques jours plus tard, Hitler double la durée des services militaires obligatoires. Bientôt, ce ne seront plus des athlètes qui défileront en rang serré, mais des soldats. La flamme olympique s'est éteinte. D'autres feux sont sur le point de s'allumer. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques de Berlin 1936, dont nous parlons avec notre invité Fabrice Abgral. Bonjour. Bonjour. journaliste à la direction des sports de Radio France. Vous êtes le co-auteur avec François Tomaseau du livre 1936, La France à l'épreuve des Jeux Olympiques de Berlin, aux éditions Alvic. Je crois qu'ils sont issus, tous les propos de ce livre, et même ce livre est issu directement, Fabrice, de votre mémoire de thèse, je ne me trompe pas. Mémoire de maîtrise, mémoire de maîtrise à Nanterre, d'accord. Paris 10. Sur les Jeux de Berlin, donc. Sur les Jeux de Berlin, c'était, c'était le titre d'ailleurs. Et ce mémoire de maîtrise est né de cette photo hallucinante, quand on fait des études d'histoire et qu'on aime le sport, quand on voit des Français défiler le bras tendu devant Hitler, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Comment les Français ont pu en arriver là, quoi ? Bon, on va leur rendre justice quand même. Ce n'était pas le salut nazi, c'est le salut de Joinville. Voilà, c'est quoi le salut de Joinville ? C'est le peloton de Joinville, non ? Alors le salut de Joinville a fait son apparition aux Jeux Olympiques en 1920 à Anvers. Et ça faisait référence, en effet, aux athlètes qui s'entraînaient au bataillon de Joinville. Et c'est devenu donc le salut olympique. Alors, il faut te donner les précisions. Le salut olympique, c'est bras tendus sur le côté avec la tête légèrement inclinée. D'accord. Alors que le salut nazi, lui, c'est bras tendus devant avec la tête dans le prolongement du bras, avec les yeux fixes. Donc ça n'a rien à voir avec mais évidemment... Mais ça ressemble tellement, c'est fâcheux, mais ça n'a rien à voir. C'est terrible, il y a une méprise terrible. Imaginez dans un stade de 100 000 spectateurs, imaginez le spectateur qui se trouve tout en haut, qui voit les Français défiler avec le bras tendu. Le public a répondu par le salut nazi. Hitler, étonné, a répondu par le salut nazi. André-François Poncet, l'ambassadeur qui était à côté d'Hitler, s'est pris la tête dans les mains en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Bien sûr. C'était la panique à bord, vraiment. Mais alors, et puis rendez-vous compte, 18 ans après la fin de la Première Guerre, des Français acclamés à Berlin. Oui, on l'a dit, non, mais merci, parce que c'est important. C'est dingue. Donc, ça a été le pays le plus acclamé, le plus applaudi, derrière l'Autriche, l'Italie, et évidemment derrière l'Allemagne. Mais bon, évidemment, ce n'était pas un hommage au nazisme et encore moins à Hitler. Il y a eu méprise totale, comme l'a expliqué Noël van der Noot. Mais ce n'est pas superficiel. Ce n'est superficiel qu'en apparence, en fait. Parce que ça traduit, en fait, la méconnaissance totale que les Français avaient à l'époque de ce qui se passait en Allemagne. Guy Lapébi, cycliste, qui a eu 3 médailles, dont 2 en or, aux Jeux de Berlin en 1936, je l'ai rencontré en 2005, il y a 20 ans, à Bordeaux, et il m'a même précisé, il m'a même avoué qu'il ne, quand il est arrivé à Berlin, il ne connaissait même pas le salut nazi, il ne savait pas ce que c'était. Ouais, donc rendez-vous compte... Il part de loin. Oui, donc il partait de très très loin, mais c'était la preuve que les Français, enfin en tout cas les Français moyens, ne savaient pas ce qui se passait en Allemagne. Alors on a passé 3 minutes là-dessus, mais c'était important. C'était important de lever le malentendu. Ah non, mais c'est important parce qu'on les a beaucoup critiqués après, quand ils sont revenus en France. Bien sûr. Alors que devait être concrètement maintenant ces contre-jeux organisés à Barcelone ? L'idée est intéressante, qu'est-ce qu'on sait de cela ? Sauf que ça n'a pas pu avoir lieu, évidemment, avec l'arrivée de Franco. Les contre-jeux, c'était organisé par ceux qui étaient en faveur du boycott. Alors essentiellement des communistes, mais aussi des personnes liées à la communauté juive, puisqu'ils étaient exclus, évidemment. Ils se sentaient exclus. Et donc, ils ont organisé ces contre-jeux à Barcelone, qui devaient avoir lieu le 19 juillet. Donc, c'était avant les Jeux de Berlin, qui n'auront finalement jamais lieu, puisque Franco déclenche le coup d'État le 18, la veille. Et c'est la guerre civile en Espagne, c'est le chaos à Barcelone, et les Jeux et les contre-jeux n'auront jamais lieu. Alors ces contre-jeux devaient rassembler des sportifs liés au Parti communiste, essentiellement, mais aussi à la communauté juive. Et les premiers combattants, d'ailleurs, de la guerre civile en Espagne, ce sont aussi des athlètes qui devaient participer, en effet, à ces contre-jeux. Les premières brigades internationales. Et d'ailleurs, il y a eu un financement, parce qu'au départ, en fait, le budget pour les Jeux de Berlin était de 1 800 000 francs. D'accord ? Léon Blum les a coupés en deux. 1 million pour Berlin et 800 000 francs pour les contre-jeux de Barcelone, pour les financer aussi, pour envoyer des Français là-bas. Et malheureusement, ces contre-jeux n'ont jamais eu lieu, mais c'était évidemment pour évidemment critiquer Hitler, pour ne pas cautionner ce qui se passait en Allemagne, et puis pour lutter contre le nazisme et pour montrer que tout le monde n'était pas d'accord. Alors, on va pas faire du chrony, mais si ces Jeux avaient existé, ça aurait changé probablement le visage des JO de Berlin. Forcément. Alors, on va écouter Noël van der Noot. On va écouter ce qu'il en pense, ce qu'il a ressenti avec ces Jeux, puis on en reparle ensuite. Oui. Et il y avait la cérémonie olympique protocolaire, on remettait les médailles sur un podium qui était sur le stade olympique. Alors ils jouaient à chaque fois, c'était pénible, hein. Tout le monde debout, les Allemands, le bras tendu, fallait voir cette marée, c'était impressionnant. Nous, tout petits, au milieu de tout ça là-dedans, et ils jouaient l'hymne national allemand, et ensuite l'hymne des nazis. Ça, c'est interdit, normalement, on n'a pas le droit. Mais ils l'ont fait à chaque compétition. Et c'était long, et puis c'était impressionnant, presque angoissant, j'allais le dire. Voilà, l'hymne national allemand, c'est le Deutschlandlied, et le chant du parti nazi, c'est le Hauptfessellied. Là, c'est effectivement assez choquant. Bien sûr que c'est choquant, parce que normalement, on n'a pas le droit. Ah oui. Normalement, on n'a pas le droit, c'est le Comité international olympique l'a bien précisé, mais Hitler en a fait... On a fait encore, évidemment, un outil de propagande de ces Jeux Olympiques, et ça passait aussi par là. Donc voilà, alors c'est vrai que la communauté internationale n'a pas réagi, mais comme elle n'a pas réagi pour la remilitarisation de la Rhénanie... Ni à Munich, d'ailleurs. Et, oui, non, mais ça préfigure... Ça préfigure Munich. Ça préfigure, en fait, ce qui va se passer à Munich en 1938, donc les accords de Munich. Donc la communauté internationale a été un petit peu lâche. Mais en fait, c'était quoi le problème ? C'était que personne ne voulait se froisser avec Adolf Hitler. Personne. Mmh. Personne, parce qu'ils avaient peur d'Adolf Hitler. Ils ne voulaient surtout pas le contrarier. Ils ont préféré fermer les yeux, donc, face à cette Allemagne qu'ils ont vue pacifiée et pacifique pendant une quinzaine de jours, puisque c'est vrai qu'on ne reconnaissait pas l'Allemagne. Vous l'avez très bien dit. Sûr, c'était maquillé. Tout était maquillé. Tout était maquillé. Mmh. Tout était maquillé, évidemment. Et les médias, alors, dont on peut attendre qu'ils aient plus d'acuité que nous. Hein. Mmh. Comment ils se sont laissés berner aussi ? Ils étaient divisés. Il y avait d'un côté les journaux qu'on va qualifier de droite, et puis il y avait les journaux comme l'Humanité du Parti communiste, et puis le Sport, hein, puisque c'était un hebdomadaire lié aussi au Parti communiste. Alors eux, évidemment, ils étaient contre les Jeux, ils étaient pour le boycott, ils étaient en faveur des contre-jeux de Barcelone. Alors évidemment, c'était une énorme vitrine pour l'Allemagne, ces jeux de Berlin, mais eux, ils s'intéressaient surtout à l'arrière-boutique. Oui. Forcément, à l'arrière-boutique, c'était les lois racistes de Nuremberg, c'était les camps de concentration, les premiers camps de concentration, c'était les lois antisémites. Et puis évidemment la remilitarisation de la Rhénanie. Alors ils ont mis l'accent là-dessus pour leur dire attention, on est en train de se faire manipuler, il faut faire très attention, cette Allemagne est belliqueuse, il faut faire attention. Mais finalement, ça n'a pas servi à grand-chose, parce que tout le monde y a été, même si les Français ont été les derniers, à accepter l'invitation du CNO allemand. Parce qu'il faut se souvenir aussi, il faut savoir que ce n'est pas un pays qui invite. Ce sont les comités nationaux olympiques. Et là, c'était le comité national olympique allemand qui invitait. Et la France a été le dernier à accepter l'invitation, parce que les débats ont été particulièrement houleux. Hein. La France a donc été le dernier pays à accepter cette invitation. Vous l'avez dit, Pierre Mendès France a été le seul à voter contre. Les communistes et les socialistes se sont abstenus. Et évidemment, la droite a voté en faveur des Jeux. Mais bon, pour Léon Blum, c'était compliqué. Hein, parce que pour Léon Blum, avant d'arriver au pouvoir, avant d'être président du Conseil, il était contre les Jeux. Ah oui. Mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir, là, il était partagé entre ses convictions réelles et évidemment la réalité diplomatique. Donc ça a été extrêmement compliqué pour lui. Il s'est appuyé beaucoup sur André-François Poncet pour prendre sa décision. André-François Poncet, donc ambassadeur de France à Berlin. Alors il s'est laissé un petit peu séduire. Alors évidemment, pas par conviction, mais surtout pour voir ce que Hitler voulait faire de ces Jeux Olympiques. Et évidemment, il a très vite dit à Léon Blum, attention, il est en train d'en faire une opération de propagande incroyable et il est en train de préparer la guerre. Ouais. Il est en train, parce que le sport, c'est quoi ? C'est une confrontation, c'est des duels, c'est des combats. C'est un rapport de force. C'est des rapports de force. Et il est en train de préparer la guerre. Donc faire du sport, c'est la guerre avec d'autres moyens, en fait, en quelque sorte. Et Hitler est l'homme des rapports de force. Alors ce débat, bien que les périls n'étaient pas les mêmes, hein, faut toujours faire attention avec les comparaisons, mais ça me rappelle quand même les débats en France, notamment avant la Coupe du Monde 1978 en Argentine. Oui, pareil. Il y avait, mais c'est vrai que les périls n'étaient pas tout à fait les mêmes. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Fabrice Abgral, nous en étions restés à Léon Blum, président du Conseil au moment des faits. On va rester avec Léon Blum, parce que évidemment, la décision qu'il prend d'envoyer les Français au JO de Berlin est difficile. De peur de cautionner, voilà. Évidemment. Donc il faut compenser. Hitler. Donc il faut compenser. En fait, il avait un vrai problème. Donc il avait peur d'être incompris des Français parce qu'il venait de créer, avec le Front populaire, le premier secrétariat d'État au sport. Ah oui. Le ministre des Sports, en quelque sorte. C'est ça, Léo Lagrange. Et c'est Léo Lagrange qui était donc le secrétaire d'État. Donc, il était quelque part obligé d'envoyer des sportifs, parce que comment faire comprendre aux Français qu'il veut développer la pratique du sport en France et qu'il n'envoie pas les meilleurs sportifs français dans le plus grand événement, les Jeux Olympiques. Donc c'était très compliqué aussi pour lui de prendre cette décision de boycotter. Mmh. Bon, et après, évidemment, il y avait aussi la remilitarisation de la Rhénanie. Les Français ont été incapables de réagir. Donc pourquoi boycotter les Jeux de Berlin alors qu'ils étaient incapables de réagir à la remilitarisation de la Rhénanie en mars 1936, donc c'était 2-3 mois avant. Donc c'était insupportable pour lui, évidemment, de pouvoir prendre une décision de boycotter. Et puis bon, les Français, évidemment, veulent la paix avec l'Allemagne, hein, parce qu'ils sont encore traumatisés par le souvenir de la Première Guerre mondiale. Et puis évidemment, il ne voulait pas cautionner, évidemment, le régime nazi, mais il a été contraint d'envoyer des athlètes pour ne pas froisser Hitler, pour ne pas contrarier... Et pour ne pas rentrer dans une logique de guerre. Voilà, exactement. Alors, on n'a pas abordé les JO d'hiver qui ont eu lieu 6 mois auparavant à Garmisch-Partenkirchen, mais déjà Hitler avait demandé à ce qu'on prenne soin des médias. Ça a été une répétition générale. Ah bah, c'était clairement une répétition générale, oui. C'était, vous savez, les Jeux de Garmisch-Partenkirchen, c'est les Jeux d'hiver, donc, 15 jours ou 3 semaines après, ils remilitarisent la Rhénanie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est en effet servi de cet événement pour voir un petit peu comment allaient réagir les pays étrangers, pour savoir aussi un petit peu comment le peuple allemand allait réagir. Mais là encore, c'était une opération de propagande incroyable pour lui, pour savoir justement, pour asseoir un petit peu sa popularité, pour asseoir évidemment sa politique, et puis ben, pour voir aussi, pour mesurer déjà les forces en présence. Et ça a été clairement, mais vraiment clairement, une répétition générale. Et ils se sont aperçus que après, les Jeux Olympiques de Berlin sont arrivés dans la foulée. Et avec le triomphe que l'on sait. Alors, le film Les Dieux du Stade a mauvaise réputation parce que les JO de Berlin, parce qu'on était persuadé que Leni Riefenstahl était vraiment à la solde d'Hitler. C'est un beau film, déjà. C'est un film merveilleux. Bien sûr, c'est un beau film. Esthétiquement parlant. Oui, j'entends bien. Alors, vous avez entendu, évidemment, vous connaissez cette archive de Leni Riefenstahl qui se défend d'avoir été la disciple d'Hitler. C'était Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Qu'est-ce qu'il faut en penser ? D'Hitler. C'était l'égérie d'Hitler. Mais l'égérie, ça va pas forcément dans les deux sens. Ouais, mais bon, c'était... non, mais c'était un instrument... Ouais, Hitler s'est servi d'elle pour évidemment exalter le corps. On n'a jamais aussi bien filmé, en fait, le sport qu'avec Leni Riefenstahl. C'est incroyable, parce qu'elle a 250 heures à dérocher, 2 ans de montage... Le film est incroyable, il est très très beau. Alors évidemment, il faut prendre du recul quand on le regarde, parce qu'évidemment... Mais c'est vrai que c'est un outil de propagande, ça reste un outil de propagande quand on le regarde. Mais attention, elle a quand même filmé Jesse Owens, elle a quand même filmé des athlètes noirs, des athlètes étrangers, il n'y a pas que les Allemands. Oui. Mais c'est vrai que les Allemands sont filmés de façon incroyable, et c'est très très beau. J'invite évidemment les auditeurs de le voir, oui, mais... Oui. Avec le recul nécessaire. Alors, Fabrice, vous êtes un homme de radio, donc il reste 1 minute. Oui. Je compte sur vous. Allez. Bon, les Français, le sport français, dans quel état le sport français à cette époque ? Le sport, c'est essentiellement un divertissement. Alors évidemment, on aime la boxe en France à cette époque-là, on aime la lutte, l'haltérophilie, mais évidemment, on se souvient aussi du tennis avec évidemment les mousquetaires. On reste dans le souvenir des mousquetaires, Borotra, Brugnon, Lacoste et Cochet. Mais le sport en France à cette époque-là, c'est le vélo, c'est le cyclisme. Parce que les héros, ce sont les coureurs du Tour de France. Les dieux de la route. Les dieux de la route, non mais c'est vrai, c'est vrai. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un vélo pour 4 habitants en France. C'était incroyable, il y avait 9 millions de vélos. 9 millions de vélos, c'était le... Et évidemment, les Français ont été particulièrement performants à Berlin, d'ailleurs, à vélo, dans le cyclisme. La France, un pays qui roule. Pays qui roule. Merci Mais infiniment. Pas beaucoup de médailles. Mais pas beaucoup de médailles. 19. Merci infiniment, Fabrice Labgral. Au revoir. Au revoir. Affaires sensibles aujourd'hui, les JO de Berlin en 1936, et l'émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini. écoutez France Inter, il est minuit. Les infos, Lucie Loconi. Bonsoir. 5000 fidèles massés sous la pluie pour suivre la messe de Noël sur la place Saint-Pierre au Vatican. Le pape Léon XIV a célébré la première messe de Noël de son pontificat. Elle était rediffusée sur écran géant, faute de place à l'intérieur de la basilique. Le pape doit encore prononcer sa bénédiction. Le chef de l'Église catholique devrait y renouveler ses appels à la paix dans le monde. La paix, justement, peut-elle intervenir en Ukraine? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir obtenu des Américains une révision de leur plan de paix pour terminer la guerre avec la Russie. Il prévoit le gel du front sur les lignes actuelles et l'ouverture de discussions sur la création de zones démilitarisées. Moscou n'a pas pour le moment réagi. Au Honduras, le conservateur Nasri Asura, soutenu par le président américain Donald Trump, a été déclaré vainqueur des élections présidentielles, 3 semaines après un scrutin marqué par un écart très faible et des accusations de fraude. L'Algérie réclame des excuses et réparations à la France pour son passé colonial. Les députés algériens ont adopté une loi pour criminaliser la colonisation française qui a duré plus de 130 ans. Un premier foyer de grippe aviaire détecté dans le Jura en Bourgogne-Franche-Comté. Ici, Besançon l'apprend auprès de la préfecture. Le virus a été détecté sur 6 cygnes entre les communes d'Aumont et Oussières. Les oiseaux ont été retrouvés morts par un chasseur. Une zone réglementée est mise en place dans 26 communes du Jura. Alors que ce Noël s'annonce comme le plus froid en France depuis 15 ans, plusieurs préfectures de la moitié nord du pays activent le plan grand froid pour protéger les sans-abri. Activé par exemple en Alsace ou dans les Hauts-de-France, durant le plan grand froid, des places d'hébergement d'urgence peuvent ouvrir et les maraudes sont renforcées. 2 départements sont toujours en vigilance neige-verglas, la Drôme et l'Ardèche. Dans l'Aveyron, 2800 foyers étaient encore hier soir privés d'électricité à cause des chutes de neige. Faire un virement vers une autre banque que la vôtre, c'est impossible et ce jusqu'à lundi. Tous les virements interbancaires sont bloqués. Une suspension classique liée à la fermeture des systèmes de paiement européens exploités par la Banque Centrale Européenne. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains reçoivent leur paye avant Noël. Mais tout le monde n'a pas forcément pensé à anticiper, Mariam El-Kurdi. Si vous aviez prévu de faire un virement bancaire aujourd'hui, attention, il ne sera pas instantané. Votre destinataire devra attendre le 29 décembre pour le percevoir sur son compte. Les échanges interbancaires sont suspendus depuis précisément hier 16h30. En fait, c'est tout le système de paiement de l'UE qui est bloqué en cette période de Noël, puisqu'il est géré par la Banque Centrale Européenne. Et en France, nous dépendons de son calendrier. Et comme la BCE ferme les jours fériés et les week-ends, cette interruption dure donc 4 jours cette année. Alors comment faire si on n'a pas anticipé? Option 1, faire preuve de patience. Option 2, si c'est possible, un versement en argent liquide. Après tout, les retraits bancaires sont toujours possibles. Option 3, si vraiment il y a urgence, vous pouvez utiliser d'autres services de virement instantané comme Wero par exemple. Ils restent opérationnels durant ces périodes de fermeture des systèmes de règlement puisqu'ils sont actifs tous les jours et à toute heure. Et enfin, sachez que les virements dits internes, c'est-à-dire dans la même banque, fonctionnent normalement. Sur la Coupe d'Afrique des Nations, victoire du Cameroun. Les Lions indomptables ont battu le Gabon 1-0 à Agadir tout à l'heure. La Côte d'Ivoire l'a emporté 1-0 face au Mozambique. Et puis plus tôt, l'Algérie s'est imposée 3-0 face au Soudan. La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature. Et l'information météo de la nuit, c'est la neige en pleine, Elena Morna. Heureusement que le Père Noël circule en traîneau, plus facile pour distribuer les cadeaux sous la neige entre le nord-est, la Bourgogne, la vallée du Rhône, où l'on attend 5 à 10 cm de neige. La Drôme et l'Ardèche sont d'ailleurs placés en vigilance orange neige-verglas. Attention au dérapage traîneau. Neige aussi, mais dans une moindre mesure, sur le centre-Val de Loire, la Normandie et la Bretagne ce matin. Après la neige, retour d'un ciel clair, soleil sur une grande partie du pays, sauf sur l'Occitanie, l'est de la Corse et les Alpes du Sud, sous les nuages. quelques averses de pluie ou de neige en montagne. Le tout dans le vent, cette bise glaciale avec moins 6 à 0 degrés sur les trois quarts nord ce matin, moins froid près de la Méditerranée avec 3 degrés à Perpignan, 12 à Bastia. Et puis Météo France annonce 1 degré dans l'après-midi à Dunkerque, jusqu'à 7 à Biarritz. Les pluies qui arrivent sur l'Occitanie vont se renforcer demain vendredi sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Retour au calme, mais toujours aussi froid ce week-end. Merci Elena Morna. Joyeux Noël sur France Inter. Il est minuit 5. Zoom zoom zen dans un instant avec Mathieu Noël et toute sa bande. Bonjour, c'est Dorothée Barba. Je mets tous les jours en avant les valeurs du collectif. En cette fin d'année, si vous êtes comme moi, vous allez avoir envie de vous retrouver avec vos amis ou votre famille pour les fêtes. Un repas, une soirée, toutes les occasions sont bonnes, mais gardez un œil sur vos proches. Moi, quand quelqu'un a trop bu, je lui dis « Allez, tes clés dans ma main et tu me remercieras demain. » Et il reste dormir. Ne laissez pas ceux et celles qui ont bu reprendre la route. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, vivre ensemble. Ça m'oppresse beaucoup la masculinité en ce moment. Oui, je peux comprendre qu'en ce moment, les hommes qui se sentent un peu pris entre le marteau et l'enclume de du virilisme et comment dire, le mâle performatif. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ces mots, ces expressions qui flottent dans l'air du temps, mais qu'on a parfois du mal à saisir, tel un papillon malicieux ou un d'où ça sort écrit à la va-vite. Aujourd'hui, comme un hommage au retour de notre rédacteur en chef, justement, on va zoomer sur un thème que, jusqu'à preuve du contraire, il tient pour une légende urbaine, la crise de la masculinité. Alors, la crise de la cinquantaine, oui, il voit. Comment expliquer sinon cette envie soudaine de se faire percer l'oreille pour y accueillir une boucle d'oreille et guitare électrique siglée Bono Rocks. En revanche, la crise de la masculinité, quand il file sur son puissant deux roues, empruntant les voies de bus au nez à la barre de la maréchaussée, qui même lorsqu'elle le prend en flag, renonce à le verbaliser tellement il en impose avec sa grosse cylindrée et sa grosse beubare façon Hells Angels, lui qui, contrairement aux autres usagers de la route, n'a pas une seconde à perdre car il a rendez-vous avec Louis Sarkozy pour l'épisode 1 de son podcast Entre côtes, entre couilles. Vraiment, non, la crise de la masculinité y voit pas. Nous avait-il lancé en conférence de rédaction, non sans postillonner des restes de pâté en croûte au mori dans un rayon de 6 km. Et pourtant, elle existe, cette crise de la masculinité, du moins, beaucoup d'hommes s'en font l'écho, des hommes qui souvent se sentent débordés par l'émancipation féminine et la remise en cause de la traditionnelle répartition des rôles hommes-femmes, traditionnelle c'est-à-dire patriarcale, mal à l'aise aussi par rapport au nouveau modèle masculin, plus fragile, plus androgyne, qu'à l'époque de John Wayne, on pense évidemment à Timothée Chalamet, on pense à Harry Styles. Alors, pendant que Cyril se bouche les oreilles avec du persil et surtout pas de la coriandre, je vous propose qu'on regarde le sujet droit dans les yeux. Zoom Zoom Zen spécial crise de la masculinité. C'est parti. France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël. Bonjour Aurélia Blanc. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Aurélia, vous êtes journaliste, spécialiste des questions de genre et des enjeux féministes. Vous avez écrit dans Cosette et vous avez publié 2 livres. Tu seras un homme féministe, mon fils, c'était en 2018. Et Tu seras une mère féministe en 2022 aux éditions Marabout. Et si on vous invite aujourd'hui, c'est pour votre bande dessinée Éduquons nos fils, coécrit avec Maëline et illustrée par Anjuna Boutan. C'est paru aux éditions Marabulle, une BD dans laquelle vous parlez de l'importance de transmettre des valeurs égalitaires à nos enfants. En particulier donc aux garçons, vous allez nous expliquer comment. Juste le temps de vous présenter mes fidèles acolytes, 2 membres de la Gen Y, donc un peu plus à même que Cyril de comprendre ces problématiques de genre qui, je cite Cyril, lui file la migraine. Manon Mariani, quant à lui, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. La Gen Y, ça se dit. Oui, vous êtes la Gen Y. Oui, vous voulez dire qu'il faut être, soi-même. On disait génération Y. Pour dire la Gen Y, très bien. Aurélia Blanc, on va parler donc de cette crise de la masculinité. On va parler aussi évidemment de déconstruction. Déjà, comment vous comprenez ce terme de crise de la masculinité? En fait, il est très flou. C'est un mot valise. Ce dont on peut être certain, c'est que quand on parle de crise de la masculinité, c'est rarement défini, mais c'est toujours un peu la faute des femmes, qui ont pris trop de place, qui ont eu trop de revendications, trop d'avancées. Donc, on ne sait pas très bien, en fait, ce que ça recouvre, mais on sait que c'est la faute des femmes. C'est une accusation portée contre les femmes. Contre les femmes, mais particulièrement contre les femmes qui auraient des velléités féministes. Comme j'ai honte du portrait que j'ai fait de lui à l'instant, lui qui est l'homme déconstruit dans toute sa splendeur, car Cyril Lacaire n'est plus ce viandard barbu qui jadis sillonnait les rues de Paris sur une moto anglaise de grosse cylindrée. Désormais, le dimanche, il ne va plus casser du gauchiste avec ses copains des Hells Angels de Ponto Combo. Maintenant, le dimanche, il fait des crêpes. Et le lundi, il les apporte à ses collègues dans un mignon petit Tupperware. Comble du raffinement, il a même fait son caramel au beurre salé maison. Tu vas voir, il est un peu raté, mais il est bon quand même, nous disait-il. J'avais envie de le croquer, tellement il était mime. De vous, oui, vous êtes mignon. Me croquez, moi. Oui, oh, bah, c'est symbolique. Qu'est-ce que vous racontez, Mathieu Noël, Cyril. Ne dévoilez pas toute notre intimité. Bon, les crêpes étaient très bonnes. Oui, tout était très bon. Merci. Quelques-unes. Vous qui êtes visiblement en plein dedans, racontez-nous la crise de la masculinité, d'où ça sort. Eh bien, imaginez, vous entendez dire que les hommes sont trop virils, et puis finalement pas assez, qu'ils sont trop durs, puis trop doux. On parle d'hommes perdus, de masculinité toxique, de mal déconstruit. Il y a Brad Pitt en jupe, Stromae qui chante ses angoisses, et des TikTokers qui pleurent face caméra. Les hommes d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier, et il semble que ça en rende certains nerveux. Depuis un siècle, en fait, la masculinité serait en crise. C'est en tout cas ce qu'on nous répète à chaque génération. Déjà au 19e siècle, après la révolution industrielle, on déplore l'affaiblissement des hommes modernes au prétexte que les hommes seraient désormais enfermés dans des bureaux, donc loin de la réalité du quotidien. Dans les années 70, en réaction à la montée en puissance du mouvement féministe, on voit apparaître le men's movement, un mouvement masculin tiraillé entre deux extrêmes. D'un côté, les hommes féministes qui veulent redéfinir leur rapport aux émotions, leur rôle en tant que père et afficher leur vulnérabilité, et puis les anti-féministes qui dénoncent la castration de l'homme moderne. Mais c'est encore 20 ans plus tard que la notion de crise de masculinité est popularisée. Oui, dans les années 90, grâce au sociologue américain Michael Kimmel, qui parle de masculinity crisis. À travers cette notion, il veut parler du malaise des hommes face à l'émancipation féminine et à la remise en cause des rôles traditionnels. Une crise qui devient virale dans les années 2010. Sur YouTube, des influenceurs prônent le masculinisme, le red pill ou la séduction virile, pendant que d'autres, comme Harry Styles ou Timothy Chalamet, incarnent une nouvelle masculinité fluide et qui brouille les codes. Alors, d'où ça sort la crise de la masculinité? Eh bien, de là, et ce n'est que le début de notre histoire. Merci, Cyril. Aurélia Blanc, quand on parle Timothy Chalamet. Oui, c'est... Ah, Timothée. Chalamet. Oui. Génie. Chalamet. N'allez pas nous mettre bougon. On l'embrasse. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai très bien compris, Cyril, ce que vous disiez. Merci, Mathieu. Aurélia Blanc, quand on parle de masculinité, on devrait peut-être aujourd'hui parler tout simplement des masculinités. C'est ce pluriel, peut-être, qui gêne certains hommes qui ne savent plus trop se situer, mais finalement, ils n'ont qu'à choisir. C'est juste qu'il y a différents modèles d'hommes qu'on nous propose aujourd'hui, tout simplement. Oui, absolument. Il n'y a pas une seule et même matrice, en fait. Les hommes sont divers. J'en viens à dire des choses assez basiques. Oui, mais ce n'était pas le cas avant, en fait. À une époque, un homme devait être viril, costaud, etc. Peut-être oui, que... mais il y a toujours eu des hommes qui venaient remettre en question les normes de genre de leur époque. Et d'ailleurs, cette crise de la masculinité, ce terme, il remonte même à l'Antiquité. C'est-à-dire qu'Aristote, à son époque, se plaignait déjà qu'il y avait une crise de la masculinité, une féminisation de la société dans une société où les femmes n'avaient pas de droits civiques. Oui. Mais est-ce que ce qui change aujourd'hui, c'est comme l'a dit Cyril, que maintenant c'est mis en avant aussi par des stars, entre guillemets, donc on parlait d'Harry Styles, mais il y a aussi Pedro Pascal, on pourrait en citer d'autres. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il y a ces nouvelles représentations masculines, on en parle autant aujourd'hui? Oui, bah en fait, cette visibilité-là, ces hommes comme Harry Styles, par exemple, ou Timothée Chalamet, ils représentent des nouveaux rôles modèles, ils osent incarner un modèle différent, et en fait, c'est ça qui dérange les franges les plus conservatrices ou réactionnaires. Parce qu'il y a une haine, en fait, que des hommes puissent être différents d'eux, et surtout une peur que ça se développe et que ça vienne contaminer, entre guillemets, l'ensemble de la société qui se retrouverait totalement féminisée. C'est ça, en fait, la crainte. On a fait une émission, il y a quelque temps, sur les soy boys, les garçons soja, des hommes jugés trop frêles par les masculinistes. Est-ce que l'apparence physique de ces hommes qui refusent les stéréotypes virilistes est un acte politique en soi? Oui et non. À la base, c'est avant tout un acte intime, ça peut être un choix esthétique, personnel, mais de fait, assumer ce choix dans l'espace public, ça prend de facto une dimension politique. Donc, on ne le fait pas forcément pour des raisons politiques, mais ça le devient par rapport au débat qui traverse la société aujourd'hui. On va revenir sur l'antagonisme homme-femme, mais est-ce que au sein des hommes, il n'y a pas déjà une crispation du débat ou une haine entre les hommes, les masculins justement, qu'on voit émerger sur les réseaux, et ceux qui s'en foutent de tout ça, de cette image viriliste et qui veulent être déconstruits, enfin, tout simplement s'habiller ou se représenter différemment. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'on le voit dans tout un tas d'études assez récentes, il y a quand même une vraie polarisation au sein, enfin, parmi les hommes eux-mêmes, entre des franges d'hommes plus progressistes, qui ne sont pas nécessairement très déconstruits ou très performatifs sur les questions de genre, mais qui n'ont pas de problème à ce que d'autres le soient, et de l'autre côté du spectre, des hommes qui vont vraiment être dans des dynamiques parfois assez puissantes de harcèlement, de condamnation, parce qu'ils sont gênés que d'autres ne suivent pas leur pas. Que l'école a un rôle à jouer et qu'est-ce qu'elle peut faire ? Oui, l'école, elle a un rôle à jouer. Alors, on lui demande beaucoup de choses à l'école, donc c'est vrai que voilà. Mais oui, bien sûr qu'elle a un rôle à jouer. Mais pour ça, il faudrait déjà que tous les enseignants soient formés, peut-être, aux questions de genre. Non, en fait, les modules sur l'égalité filles-garçons, c'est apparu en 2022 seulement. Donc, on voit pas encore les effets à faire. Et pareil, les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, qui sont un très bon espace pour justement déconstruire les injonctions sexistes. Ça fait 24 ans maintenant que les élèves sont censés en avoir 3 par an. On sait que ce n'est pas le cas. Et quand il s'agit de les rendre vraiment effectives, on a des levées de boucliers dans la société avec des groupuscules de parents en colère. Donc, ce n'est pas évident. Quentin ? Il y a une scénette dans votre BD qui parle justement de l'éducation sexuelle. Le personnage explique que les garçons les plus à l'aise avec la sexualité et les plus à l'écoute de leurs partenaires sont ceux dont les parents, y compris les pères, leur ont parlé de sexe. C'est ce que vous avez constaté, il faut parler de sexe avec son Oui, alors on est rarement très à l'aise pour parler de sexe avec ses enfants, mais leur parler quand même de sexualité, de corps, de consentement. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Donc oui, ça me semble essentiel, parce que de toute façon, si nous on le fait pas, que l'école ne le fait pas, le porno, les potes se chargent de le faire. Donc en fait, c'est bien de leur donner aussi quelques outils un peu concrets pour les armer, parce que pour en revenir sur cette crise de la masculinité, c'est aussi une source de pression et d'inquiétude énorme pour les jeunes garçons, l'entrée en fait dans la sexualité, dans cet univers très stéréotypé. Vous parlez de nouveaux outils. Le gouvernement britannique a décidé de diffuser la série Adolescence en classe. En France, elle sera proposée comme support pédagogique. Qu'est-ce que vous vous dites ? C'est bien ? C'est trop tard ? C'est un peu gadget ? Ou vraiment, c'est vraiment une bonne idée. Je pense que c'est intéressant s'il y a vraiment des gens formés pour animer la parole autour. Parce que s'il s'agit juste de diffuser une série que les ados ont peut-être déjà vue chez eux en guise de solution, c'est un peu court. Il faudrait vraiment que ça s'inscrive dans un travail au long terme avec des gens formés. Enfin, vraiment, et en même temps, j'ai conscience qu'on ne peut pas nécessairement demander aux enseignants de prendre ça en charge. Des gens formés, ce serait qui ? Bah, y a des associations. Par exemple, en Île-de-France, il y a le CRIPS, on pourrait penser au planning familial, en avant toute, qui intervient dans les écoles. Enfin, il y a des acteurs dont c'est le métier, en fait, qui ont cette expertise et qui vont de collège en lycée à longueur d'année. Donc, ils ont l'habitude, en fait, de faire ça. Mais c'est vrai que ça demande un peu de temps dans les emplois du temps et aussi un peu d'argent. Voilà, et c'est sans doute pour ça que diffuser un film, ça se fait à moindre coût. Et si c'est ça la seule solution, je pense que c'est un premier pas qui n'est pas suffisant du tout. J'ai l'impression que pour ce qui est de la nouvelle génération, là je ne parle pas de nous, mais des jeunes aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une polarisation extrême entre ceux qui, alors ils sont dans l'ère d'après MeToo, entre les jeunes qui vont être très ouverts, naturellement déconstruits, presque si tant est qu'on puisse dire ça, et un espèce de backlash avec ceux qui vont s'orienter vers les incels, les mascus, et on a l'impression que c'est deux jeunesses qui vont plus parler, en fait. Ouais, c'est vrai que cette polarisation-là, on la retrouve dans toutes les études récentes, avec d'un côté des jeunes très déconstruits, en tout cas très à l'aise avec la question de la fluidité de genre, l'orientation sexuelle, l'égalité des genres, et de l'autre côté, peut-être un quart, 30% des jeunes hommes qui, eux, sont vraiment sur des visions masculinistes. Alors, d'une part, on pourrait quand même rappeler que cette polarisation, elle n'est pas que chez les jeunes. En fait, ça reflète ce qui se passe quand même dans l'ensemble de la société. C'est aussi valable chez les adultes. Mais ça nous montre aussi qu'il y a quand même sans doute besoin urgemment d'espace de parole pour les jeunes et les jeunes garçons sur ces questions. Et sur le rôle des parents, là, pour le coup, est-ce qu'on ne peut pas faire un distinguo entre ceux qui virent masculins et ceux qui sont plus déconstruits ? Est-ce qu'il n'y a pas une question de confiance qu'on donne à son enfant ? Moi, j'ai l'impression, c'est pas sociologique, c'est juste une analyse personnelle, que il y a beaucoup de peur derrière tout ça. Quand on devient masculin, c'est qu'on a peur d'être remplacé, je ne sais pas. Donc, si Absolument. Les parents vous donnent plus confiance en vous quand vous êtes petit et jeune, ça peut donner ensuite des gens plus ouverts à la déconstruction. On peut penser qu'on est un peu mieux prémuni contre l'influence des discours masculinistes quand, effectivement, on grandit dans une famille qui nous donne sa confiance, nous encourage à être soi-même, en fait. C'est sûr que quand on grandit dans un milieu où il est interdit depuis tout petit de se comporter comme une fille ou comme une femmelette, ça crée beaucoup d'insécurité et donc un espèce de réflexe défensif derrière sur ces questions identitaires. Quentin ? Vous dites, et ça j'aime bien, vous dites qu'il y a toujours un bénéfice social à se présenter comme un homme déconstruit. Oui. Je pense qu'un mec qui arrive en soirée et qui dit bonjour, je suis un homme déconstruit, il faut s'en méfier. Alors ça dépend dans quelle soirée on va. Ouais. Si c'est le premier truc qu'il dit en arrivant, si tu veux. Avec un livre de Mona Chollet. Voilà, mais oui, globalement, ça peut aussi être, entre guillemets, un argument de vente pour certains hommes, pour draguer, pour avoir bénéficié d'une meilleure image d'eux-mêmes et passer pour le mec cool et si déconstruit. Merci Aurélie Blanc d'être venue décortiquer cette crise de la masculinité qui fait tant peur à nos amis de l'heure des pros. Dans quelques instants, on parlera de mort sociale avec le directeur général de l'association Petits Frères des Pauvres, un bon vieux complètement à la rue, bien sûr. Marie Debreuer poussera un coup de gueule contre les médicaments comme l'Ozempic. Tout ça après The Spencer Davis Group, Keep On Running sur France Inter. Keep on running. Moment de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande. Être de plus en plus déconnecté de ses contemporains, ne plus voir ses amis, ne plus jamais sortir. Mathieu, pourquoi tu nous parles de toi? Êtes-vous en train de me dire? Je ne vous parle pas de moi, bougre d'andouille, arrêtez de rire, mais de ces personnes âgées qui vivent le terrifiant phénomène de la mort sociale. On en parle avec le délégué général des Petits Frères des Pauvres, Yann Lanier, qui est avec nous. Yann, dans votre dernière étude, vous faites le distinguo entre isolement et solitude. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, l'isolement, c'est quelque chose qu'on va complètement subir. La solitude, on peut en ressentir le sentiment. Ça nous arrive à tous, des millions de personnes ressentent le sentiment de solitude à tous les âges de la vie, et puis on peut la rechercher parfois, notamment quand on a des vies sociales denses. On peut être amené à par moments être très très heureux de pouvoir vivre un peu et de se poser et d'être un petit peu seul. Il y a d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de personnes qui vont, par certains récits, magnifier la solitude. Il ne faut pas la confondre avec l'isolement social. L'isolement social, c'est vraiment quelque chose qui va malheureusement s'imposer et qui est une problématique sanitaire. Aujourd'hui, l'OMS parle même d'épidémie de solitude. Mais cette solitude, elle peut aussi conduire à ce phénomène ultime qui est l'isolement social. Il y avait eu un événement qui nous avait aussi alerté sur la solitude et l'isolement des personnes âgées, c'est la canicule de 2003. Est-ce qu'on en avait tiré des leçons ou est-ce que ça a changé ou est-ce que rien n'a vraiment changé ? Alors on peut rappeler les éléments de la canicule de 2003 puisque ça date un peu maintenant, 22 ans. On a connu depuis de nombreux épisodes caniculaires. Aucun, heureusement, n'a fait 15 000 morts. Voilà, c'est pas les mêmes conséquences. Ouais. Puisque l'épisode de 2003, c'était 15 000 morts. Patrick Peloux qui alertait sur l'encombrement des urgences et puis c'était même des entrepôts de Rungis qui étaient réquisitionnés pour stocker des cercueils. 400 cercueils n'ont jamais été réclamés. Après la canicule de 2003, je crois que certains, aujourd'hui, sociologues, etc., s'intéressent à cette sorte de cold case là-dessus. Mm. Ça a créé un registre canicule. Hein, aujourd'hui, vous pouvez, notamment auprès de votre commune, vous inscrire. C'est une démarche volontaire sur ce registre canicule. Mais nous avons encore un gros travail à faire dans la société pour repérer les personnes en situation d'isolement social. Ça se traduit par de l'invisibilité sociale et repérer les invisibles, c'est quelque chose qui est complexe à faire sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan éthique. Yann Lanier, est-ce que la mort sociale, elle frappe plus souvent en ville ou en milieu rural ? Alors, aujourd'hui, on a tendance à avoir quelques biais là-dessus en pensant que dans certains territoires où la densité de population est faible, on va avoir plus de personnes isolées socialement qu'en ville. Nous avons fait une étude au printemps dernier dans les quartiers politiques de la ville, une étude qui s'appelle « Vieux de banlieue ». On a aujourd'hui énormément de situations de personnes qui vivent la solitude et l'isolement social dans les quartiers populaires. On a mis à jour des chiffres qui m'ont beaucoup marqué dans le baromètre. 380 000 personnes dans notre pays n'ont pas de voisins. Leur habitat fait qu'ils n'ont pas de voisins. Effectivement, vous avez des départements de France où le phénomène de mur démographique que nous sommes en train de vivre, ce changement démographique profond, fait que vous avez une population qui va se composer de manière majoritaire de personnes de plus de 60 ans. Mais encore une fois, il ne faut pas croire que l'isolement social serait quelque chose de réservé à la campagne et que la ville en serait protégée. C'est absolument pas le cas. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'on délaisse nos aînés ? Est-ce que ça a toujours été le cas ? Je ne crois pas que ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, la problématique que la société a encore du mal à intégrer, c'est justement cette démographie qui est en train de changer structurellement. Songez que dans 5 ans, il y aura 50% de 84 ans en plus qu'aujourd'hui. Oui. Nous avons une progression du nombre de personnes de plus de 60 ans dans notre pays qui va nous faire atteindre très rapidement un tiers de la société française. L'âge invisibilise. Et donc, plus nous avons de personnes âgées, plus potentiellement nous avons de personnes qui vont être invisibilisées dans la société si nous ne recréons pas une sorte de continuum harmonieux entre les générations. Moi, j'ai malgré l'impression le chiffre, que... vous pensez qu'on va avoir de plus en plus d'invisibles s'ils sont très nombreux. Oui, on le voit bien avec notre chiffre des 750 000, puisque ce qui provoque vous avez un lien, si vous voulez, entre cette question de l'isolement social et l'âge. Vous avez un lien entre l'isolement social et la précarité. Moins vous avez de revenus, plus vous avez de risques d'être isolé socialement. On documente 4% des plus de 60 ans en situation d'isolement social. On arrive à 9% des personnes dont les ressources sont inférieures à 1 000 euros par mois. Vous avez des phénomènes de conjonction. Et puis, on a aussi des nouveaux phénomènes. Moi, je vous inviterai d'ailleurs à vous y intéresser. Quand on parle des personnes âgées, je ne sais jamais de quel âge on parle. Oui. Aujourd'hui, on parle des plus de 60 ans, mais vous avez un champion olympique qui est mort à 101 ans. Donc vous voyez, ça fait quand même encore un petit bout de vie, hein, 40 ans. Voilà. Et donc, quand on parle d'âge, vous voyez, il y a des choses totalement nouvelles. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de nonagénaires, il y a de plus en plus de centenaires. Personnes de 60 ans d'aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a 20 ans. Aussi. Bien sûr, en termes d'aspiration, d'espérance de vie. Les personnes de 60 ans d'aujourd'hui sont nées dans les années 60. Oui. Lui, il ne sera jamais confronté au fléau de la mort sociale, car même lorsqu'il sera vieux, à l'EHPAD Thibault InShape d'Alençon, il sera toujours tisser des liens avec les autres de pensionnaires, notamment en leur offrant des mini-concerts. Vanina, si tu m'oublies, je serai. Dave sera plus là pour faire le violet pour moi. Mais Dave vous enterrera, Quentin. Vous êtes le mal incarné. On l'embrasse, évidemment. Quentin, en attendant d'assouvir enfin vos rêves de scène, dites-nous comment les passants que vous avez croisés ont réagi à ce terme de mort sociale. Je marche rue du Faubourg Saint-Denis, que vous connaissez bien. J'entends des Parisiens qui sortent du métro et qui disent qu'ils descendent à SSD. Ça me fait rire. Une fin d'après-midi où les restaurateurs attendent le coup de feu. On est dans une sorte de ventre mou agité. Dans cette rue qui fourmille à toute heure, ici je rencontre Clémentine. Elle est prof d'anglais. Que lui évoque la mort sociale? C'est marrant parce que j'ai préparé mes cours ce matin et j'ai un peu abordé ce sujet. Je vais aborder ce sujet avec mes élèves. Pour moi, la mort sociale, c'est plus peut-être quand on est confronté à la différence, mais que du coup, ça nous tue socialement. Parce que quand on est confronté à la différence ou qu'on est trop différent de ceux, qu'on ne répond pas forcément aux attentes de nos proches, ça peut entraîner une certaine mort sociale. Vous avez raison. Mais oui. Une déconnexion avec la famille. Exactement. Et ça va même plus loin, un choix de vie en marge. Et nous passons à côté tous les jours sans voir le problème. C'est-à-dire que je pense qu'on a tendance à fermer les yeux volontairement. On n'a pas envie de voir ce qui nous dérange. Parce que ça nous renvoie à nos propres angoisses. Parce que dans le fond, on est tous pareils. Hein. Ça veut dire qu'on a peur d'être comme ça, c'est bien ça ? Bien sûr. Même quand on essaye de s'en détacher, il y a toujours une part de nous, c'est inconscient. Mais oui. Vous, il y a une part de vous qui a peur de la mort sociale. Ah oui. Ah oui. Je traverse la rue et j'arrive sous un barnum qui a été aménagé à côté d'une tente verte fluo. C'est là que je rencontre ce monsieur. Où est-ce qu'on est ? On est à la porte de Paris, donc dans le 10e, à Strasbourg-Saint-Denis pour être plus précisément. On est ici en soutien pour Zehra Courtay. Donc qui est Zehra Courtay ? Zehra Courtay est une journaliste originaire de Turquie qui se trouve en France depuis 18 ans, qui avait demandé l'asile politique. Et là, on lui a retiré du jour au lendemain son asile politique. Donc elle se retrouve sans papier, sans droit. Bon, là, il y a un engagement pour cette journaliste, mais c'est pas là-dessus que j'ai envie de m'arrêter, car j'ai l'impression que justement, quand on s'engage, on se rassemble. Ce qui me rappelle aussi un peu les Gilets jaunes. Cette porte de Paris ressemble finalement un peu à un rond-point, un endroit où l'on peut venir causer. Et sous ce barnum aménagé avec une étagère en bois, des plantes, de quoi faire un café, un peu de miel aussi, je sens que ça ouvre une porte à certains. Parfaitement. Ça change le regard des gens et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, les gens qu'on croise ici, qu'on appelle SDF ou fou ou ce qu'on veut, finalement, ils ont besoin, on a vu ici, parce qu'on les aide, on essaye de leur apporter des vêtements propres, les envoyer à la douche, on leur sert le café le matin. Parfois, quand on a de la place, on les fait dormir sous la tente aussi. Et ils sont super agréables, c'est des humains. Et ça nous blesse de voir qu'il y a des milliers de personnes qui passent chaque jour devant et ils passent inaperçus, ces gens-là. Alors qu'ils ont juste besoin un peu de soutien, de morale, ils ont besoin de savoir qu'ils existent aussi. Je pense qu'on les a rendus invisibles. On trouve ça normal maintenant. Ma dernière rencontre, à son œil gauche, dans l'objectif d'un appareil photo. Et là, je suis en train de photographier la lumière sur la façade de ce bâtiment, en face. C'est beau, là, hein, à cette heure-là. Particulièrement. La mort sociale. Ben, ça me parle particulièrement. Je viens de faire une série de 3 ans de portraits de personnes âgées en EHPAD. Donc, ça me parle particulièrement. Il me dit qu'il n'avait jamais pris conscience de la mort sociale des personnes âgées. Je lui demande ce qui l'a touché, ce qui l'a marqué dans ce projet. Ce qui m'a touché particulièrement, ce que j'ai constaté rapidement et ce qui m'a invité à essayer, à ma petite échelle, de changer la donne quand je vais photographier ces personnes, c'est qu'on ne s'adresse plus à elles par leur prénom. C'est monsieur un tel, c'est un patient, c'est un grand-parent. Et en fait, il y a une espèce de mort de l'identité. Et quand j'allais voir ces personnes pour faire leurs photos, enfin leurs portraits, c'était principalement pour les familles au départ. Et ce qui me choquait le plus, c'est qu'on me disait à quoi ça sert. J'ai des photos, les dernières photos, c'était... En fait, on arrête de prendre les gens en photo à partir de 50 ans, j'ai l'impression. Après, c'est une personne âgée et donc du coup, elle ne fait plus partie du mouvement de la vie. On prend 10 000 photos par jour et on préfère photographier nos repas plutôt que nos grands-parents. C'est intéressant ce qu'il dit. Les familles ne voyaient pas en quoi il y avait besoin de refaire un portrait, une perte d'identité supplémentaire. Et nous, tous les jours, on passe à côté de gens qui n'ont pas une interaction avec un autre être humain depuis plusieurs jours, peut-être. C'est une violence inouïe. Et c'est surtout le contraste avec cette ère du digital, en fait, où tout le monde prétend être ultra connecté. L'isolement est d'autant plus violent et profond, je pense. Là, je sors du métro et honnêtement, je suis content d'avoir ce regard de photographe qui me permet d'avoir systématiquement une espèce de distance par rapport aux situations que je vis. Mais en fait, il n'y a même plus de contact, il y a plus de contact du tout entre les gens. On est tous lobotomisés par nos smartphones. On parle beaucoup d'isolement, mais c'est peut-être d'indifférence qu'on meurt le plus. Quand le monde ne vous regarde plus, vous cessez doucement d'en faire partie. Et c'est dans ce retrait-là que la mort sociale se loge, discrète, quotidienne et parfois même fatale. Marie Debreur, aujourd'hui, vous nous parlez d'une tribune qui remet en cause les nouveaux médicaments anti-obésité. J'arrive dans cette chronique telle une lanceuse d'alerte, une journaliste d'investigation. Imaginez-moi avec une grosse loupe. Voilà, je suis Fabrice Arfi. Je dirais même, je suis Fabrice Grarfi. Oh oui, c'est grossophobe. J'avais aussi Denis Gros-Robert. J'arrête. Je vais vous parler d'une tribune diffusée sur Mediapart qui lutte contre la grossophobie que j'ai signée. Oui, je signe des tribunes. Je suis une star, on peut le dire. Ah, la star des gros, oui. Même si je dois répéter quand même plusieurs fois par semaine hein, que non, c'est pas moi qui ai mixé aux Jeux Olympiques. Et non, c'est pas moi qui ai joué dans Maison de Retraite 1. C'est Gérard Depardieu. Enfin, on se ressemble même pas. Enfin, il est blond. Mais bon, je suis quand même un peu célèbre, quoi. Je pèse, sans mauvais jeu de mots. Il y a 220 signataires à la tribune qui alerte sur les nouveaux médicaments anti-obésité. Je vous l'accorde, c'est pas énorme, 220. Mais comme j'ai 3 chiffres sur la balance, j'ai décidé que je comptais double. Donc ça fait 221. Ouh, c'est la lutte finale. La révolution, piou, elle est fatiguée cette révolution. La tribune lance l'alerte sur les médicaments dits anti-obésité, donc Wegovy, Mounjaro, etc. et tous leurs effets secondaires. Le truc est vendu vraiment comme une solution miracle. Ouais. On m'avait dit pareil du régime 100% bâtonnet de crabe. J'ai pué l'algue de mer pendant 6 mois. Une côte bretonne, la meuf. Et j'ai pas perdu un gramme, donc miracle, merde à la fin. Autre info alarmante, les nouveaux médicaments contre l'obésité augmentent de 195% le risque de dépression majeure. Skinny but depressed. Le médecin, il sera là si je commence à me foutre des picousses dans le bras. Il sera là, oui, madame de Breuer. Bon, vous avez envie de vous défenestrer. Bon, mais vous pouvez le faire depuis une petite lucarne maintenant. Bon, c'est génial. Ah, et si vous avez envie de vous pendre, pareil, vous pourrez. La poutre ne cédera plus sous votre poids. Enfin, vous avez demandé l'accessibilité. Vous l'avez. Bon, hein. Et puis regardez-vous, vous êtes tellement mince. Vous pouvez jouer à cache-cache en vous mettant de profil. C'est génial. Mais docteur, mais pourquoi j'aurais envie de jouer à cache-cache? Oh là là, vous avez perdu de votre joie de vivre. Hein. Voyez le verre à moitié plein. Et un verre d'eau, Marie, pas de grenadine. Ah non, merci. Si certains préféraient crever qu'avoir mon corps, moi je préférais avoir mon corps qu'avoir envie de crever. Tire sur mon doigt, Manon. C'est pour être un peu de légère. Légèreté dans la chronique. Enfin, légèreté, vu l'odeur. Il est solide, le bordel. Je suis désolée. Oula. Pardon. Le coût de production des injections pour les laboratoires, c'est entre 89 centimes et 5 dollars pour une mise en vente à environ 80 balles. Mais c'est pour la santé qu'ils font ça. OK, ils veulent juste prendre soin de nous depuis leur yacht où ils mangent du homard. Le homard, la chance. Je ne sais pas pourquoi je suis obsédée par les fruits de mer aujourd'hui. Je dois être enceinte. Who knows? Not me. Je pourrais faire la liste des effets secondaires et vous dire qu'il y a eu 560 cas de pancréatite aiguë et une dizaine de morts potentiellement liées à la prise du Médoc au Royaume-Uni. Mais apparemment, la mort n'est pas assez dissuasive. Mais j'ai une pote qui, après ses injections de GPL1, elle a arrêté d'aimer les pâtes. Mais jusqu'où ça va aller, hein? Fini les panzani, fini les vacances en Toscane, fini les pastas de la mama, les cacio e pepe. Moi vivante, c'est hors de question. Et je compte bien le rester vivante. Merci Marie Debreur. Préparez-vous à jouer avec un Zoom Zoom Test spécial pornographie pour les filles. On parlera aussi de l'art du drag avec Paloma et Lolita Banana. Et Manon nous livrera sa veille sanitaire. Vous aimez les ovnis, vous allez adorer UFO. De cristal, objet non identifié, une lumière insaisissable, phénomène inexploré, c'est top, secret. Yeah. signalement sidéral. Perdu dans les étoiles. Électrique. Calypso. Galactique. UFO. UFO. Propulsion interastrale. Télépathie rapprochée. Une scène inexplicable. France Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël et toute sa bande. Que penser des dernières recherches Google de Manon Mariani ? Meilleur VPN gratuit. Pedro Pascal Deepfake X. Sexe de groupe Pologne. Bon, probablement rien. Quoi qu'il en soit, Manon, vous ne devriez pas avoir d'habitude de difficultés à remporter ce quiz, même si Quentin pourrait vous donner du fil à retordre, celui qu'on appelle la bûche, surnom hérité de ses prestations dans quelques productions amateurs, Made in Normandie, et où c'était pas le cidre qui coulait à flot. Bref, pour ce quiz, je vais vous pitcher des films coquins. À vous de me trouver leurs titres, sachant que ce sont tous des versions X de films célèbres comme Jurassic Porn ou Ass Wide Shut. Vous avez le principe ? Oui. J'espère que nos collègues du Masque et la Plume écoutent. Top de 7e art. Voici le premier pitch. Tony et son équipe, une bande d'amateurs de belles mécaniques et de gros engins, s'affrontent dans des compétitions. Et c'est ici pas de respect ou de thunes qu'on gagne. Ass and Curious. Non, mais la partenaire de son adversaire. Gros dérapage au frein à main garantie. Vous aurez reconnu effectivement la version hard de cette saga baptisée au Québec « Rapide et furieux ». J'étais pas mal. Ass and Curious. C'est plus nul que ça. Ass and Furious, moi j'aurais voulu, mais c'est pas ça. Non. C'est pas ça. C'est pas le titre du vrai film, on cherche des vrais films. Fuck and Furious, bonne réponse. De Manon, une production pourrie. Une production pourrie bien de chez nous, puisque signée du célèbre Fabien Lefay. Vous n'y trouverez pas Vin Diesel, mais les non moins célèbres Tony Carrera et Cynthia Lavigne, sensation forte garantie. Et non, Quentin, je ne vous demande pas si vous aviez la VHS, je le sais, votre grand-mère me l'a dit. Elle vous a d'ailleurs souvent surpris en train de visionner et revisionner ce chef-d'œuvre alors que vous étiez censé réviser votre brevet. Poussin, c'est très vilain de jouer avec ton petit oiseau quand mamie est dans la chambre. Pas étonnant que cette année-là, votre prof principal ait tenté de vous dissuader de passer le brevet. Mais remontons sur le waterbed du Gai Savoir. Ah, ce son, mon Dieu. Ah bah voilà, Cyril qui nous écoute depuis sa cellule de déglissement a eu un orgasme rien qu'en entendant le jingle canal. Pauvre vieux, en plus il a rien pour se changer. Bref, deuxième pitch. Après la mort de Joe l'Increvable, ex-tenancier de Maison Close, rangé des filles de joie, ses anciens associés se lancent à la recherche de son magot. Marlène, la fille de Joe, s'y intéresse aussi. Un incontournable réunissant les plus célèbres gâchettes du X français, faut reconnaître que c'est du brutal, ça éparpille aux quatre coins du plumard, façon puzzle. Okay. Et les bons pornos, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est ce classique Michel des classiques. Brodard. Adaptation du plus célèbre film de d'Audiard et pas de Jacques, c'est, je vous donne trois possibilités. Les tontons baiseurs. Elle cause plus, elle baise. Les tontons tringleurs. Ou un taxi pour ton cul. Ah, c'est bon, ouais. Vous me le laissez quand même celui-là, non ? C'est Quentin. Il avait tellement envie d'avoir la bonne réponse, il l'a eu. Je crois qu'il le connaît, mais... Réponse B, oui, une pépite intergénérationnelle et inclusive, puisqu'elle réunit actrices des années 90 et acteurs des années 70, dont le célèbre comédien monégasque Alban Seret, 800 films au compteur, qui lui vaudront le surnom chatoyant de La bûche du rocher, La verge de Monaco... Ou tout simplement queue de béton. C'est queue de béton, hein. C'est trop bien. Ah ouais, B, c'est trop drôle. La verge rien de pour avoir cette phrase prononcée par Manon à l'antenne. Queue de béton, c'est trop bien. C'est une bonne réponse, Manon. Et qui osera dire que film coquin et poésie ne s'accordent pas à merveille. Le film suivant est une adaptation très libre d'un des films d'un réalisateur iconique de ces 30 dernières années. Je vous livre le pitch. Katia est ridiculisée et humiliée le jour de son mariage par son ancien amant. Après être sortie d'un long coma, la fiancée n'a qu'une seule idée en tête, se venger. Utilisant ses compétences sexuelle exceptionnelle, elle parcourt le monde pour retrouver et affronter un à un les membres du gang de son ex. Mange-baise-M. Quoi ? C'est osé, mais c'est pas ça, non. Avec Julia Roberts, oui. Climax torride avec ce dernier, vous aurez reconnu l'audacieux film inspiré du classique de Tarantino. Kill Bill ? Oui, alors donc ? Fuck Bill ? Fuck Bill ? Non, trois possibilités. Nick Bill, Kill Beat. Ah. Ou Kink Bill. C'est la B. C'est la B. Ah, alors, ouais. Je vais dire autre chose. Ouais, la B était la mieux, mais malheureusement, Les producteurs n'étant pas fait doués, c'était la une. Nick Bill. Et je ne peux m'empêcher de penser que Quentin Tarantino, avec sa passion pour le film de genre, doit être flatté qu'un tel hommage lui soit rendu. Terminons en beauté ce quiz spécial pornographie avec une œuvre où le beau sexe, comme dirait Cyril, est à l'honneur. Un film choral de surcroît. C'est l'histoire d'une bande de copains qui se retrouve dans le milieu effervescent et excitant du Sentier à Paris. Cinq jolies et délurées demoiselles. Si je rencontre des demoiselles, elles décident de partager leurs aventures sexuelles. La vérité si je bande. Oui, un bijou de niche qui, cela dit, n'arrive pas à la cheville d'autres chefs-d'œuvre du cinéma français comme Very Bad Trick ou Bienvenue chez les ch'tites coquines. Ah, celui-là, c'est mon préf. Ah, celui-là, effectivement, c'est le mieux. J'en avais eu. Savoureux moi. Dialogue. Il y avait Le Seigneur des Anus qui était formidable. Qui faisait partie de ma liste également. Mais hélas, nous n'avons pas le temps car nous sommes le gai savoir, mais pas ton gré non plus. Vive l'amour du cinéma, vive le cinéma et victoire au la main de Quentin, lui. Bon, j'ai eu plein de points. Merci à tous. Mais comme on ne le dit pas, je vais vous dire quelque chose. Cyril Lacaré est en partie aujourd'hui, on ne communique plus les informations. Pierre Courade manque à tous ses devoirs. Si vous voulez devenir rédacteur en chef un jour, il me parle à moi. Pour qui, Pierre ? Il me parle à moi dans le casque. Là, il comprend pas les boutons. Il parle dans l'oreillette, il parle dans le casque de Quentin. Oui, en plus, il écrit son petit carnet. Là, il est en train de dire, mais si je te parle, là ? Hugo Bardin et Stéban Inzois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Alors, Hugo, le public vous a découvert sous le nom et les traits de Paloma, grande gagnante du premier concours Drag Race France en 2022. Et vous avez donc participé à la cérémonie d'ouverture des JO l'an dernier. Et Esteban, vous êtes la mythique Lolita Banana. Vous avez aussi participé à la première saison de Drag Race France. Vous avez ému les spectateurs par vos prestations et votre témoignage. On va y venir. Mais si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour Queens, l'art du drag dans le monde. Un beau livre qui vient de paraître aux éditions Hors Collection, que vous avez coécrit, Paloma, avec la journaliste Élodie Petit. On va le feuilleter ensemble. Mais déjà, ils viennent d'où vos noms de scène ? Paloma, par exemple, ça vient d'où ? C'était un accident. J'avais écrit un film qui s'appelait Paloma. Je voulais jouer dedans, donc j'ai joué le rôle. Mais j'avais pas prévu que je deviendrais Paloma après. Ah oui, c'est l'idée est venue en faisant le film ou en le voyant ou en... Non, en jouant le rôle, je me suis dit, mais en fait, j'adore le drag, je veux continuer. Je vais faire ça, quoi. Mais ça venait de Paloma Picasso. À la base, Paloma Picasso. Je suis un gros fan. Lolita Banana, vous, d'où vient ce... Et moi, j'ai commencé les drags dans un cabaret et à Biscarros, dans un camping à Biscarros. Et c'était dans un cabaret où il y avait beaucoup de tableaux. Et une de mes collègues danseuses m'a nommé Lolita Banana parce que mon premier numéro drag, j'étais avec des fruits dans la tête, avec Carmen Miranda, très cliché mexicain, oui, j'avoue. Ouais. Mais du coup, elle a dit, ah, Lolita Banana. Et ça j'ai bien aimé. Oui, Banana. Et on le raconte dans le livre. Ah, c'est merveilleux. Voilà. Vous avez parlé de votre séropositivité à une époque, et c'était important de le faire. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, peut-être que la lutte contre le VIH, on n'en parle plus autant qu'à une époque ? Moi, à mon époque, dans ma jeunesse, on en parlait énormément. Mm-hmm. C'était présent dans toutes les consciences. Aujourd'hui, peut-être qu'on, malheureusement, on en parle un peu moins. Je pense que si on en parle beaucoup, mais le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup des gens qui ignorent beaucoup des choses importantes, comme quoi le fait que d'être indétectable, ça veut dire intransmissible. Oui. Ça m'arrive souvent d'avoir partenaires que je dois les expliquer, des partenaires de 40 ans que j'ai les donner des cours d'éducation sexuelle. Mmh. Et c'est pas mon travail, quoi. Je suis drag queen, pas sexologue. Mais du coup, oui, à un moment donné, dans l'émission, je voulais parler de ça. Et justement, faire un rapprochement pas... Et dramatique ou pas triste ou pas... je ne sais pas comment dire, mais... Misérabiliste. Ouais. Voilà, c'est ça. Je voulais dire que je vis avec le VIH et qu'on vit très bien et qu'est indétectable, intransmissible, c'est le futur et c'est le présent, surtout maintenant, de VIH, surtout ici en France. Et que maintenant, il faut juste savoir, quoi. Savoir, avoir les outils des informations et s'en servir. Et que ce n'est pas que la responsabilité des personnes queer. Bien sûr que non. Manon ? Il y a un hommage appuyé aussi à RuPaul dans votre livre Paloma, forcément. Pourquoi c'est un personnage important pour la communauté LGBTQIA+, notamment pour les dragues RuPaul, et est-ce qu'il est encore important aujourd'hui ? Bah, il a créé de l'emploi depuis 18 ans pour des centaines de dragues. Il a créé notre carrière. Mais oui. C'est quand même quelqu'un qui, dans son émission, fait faire à ses candidates des choses que lui a fait toute sa carrière. Il a présenté des émissions de télé, il a été mannequin, il a chanté. Enfin, c'est quelqu'un qui a une carrière assez incroyable. Il était le seul à faire ça à une époque. Ouais. À son époque. Donc oui, ça reste un modèle, bien sûr. Alors on peut parler de mainstream, de capitalisme, de tout ce qu'on veut, mais ça reste quand même quelqu'un qui a changé la face du drag dans le monde. Ouais. Finalement, ce qu'on peut aussi dire, c'est que le drag, c'est très politique. Vous attendiez à faire de la politique. Je pense que c'est primordial dans les drags. En fait, oui, maintenant, c'est beaucoup les paillettes, c'est beaucoup la beauté, les shows, les spectacles, la télévision. Mais à la base, les drags, et il sera toujours très lié à la politique. C'est le fait qu'un homme s'habille en femme et qu'il sort dans la rue, c'est déjà un stand-in politique. Si vous hésitez entre un billet, un pass access pour le Puy du Fou et Queens, l'art du drag dans le monde, je conseille nettement le livre. L'heure de la veille sanitaire. Manon, aujourd'hui, vous nous parlez d'un groupe qui cartonne, mais que personne ne connaît autour de cette table. Millions de vues pour le clip de ce morceau intitulé Gabriella. Il est aussi numéro 10 du top Spotify monde. Sur TikTok, il est utilisé dans des milliers de vidéos. Ce titre est signé du groupe Katsai, comme la série animée, sauf que c'est avec un K et que ça s'écrit tout attaché. Un groupe, comme vous l'avez dit Mathieu, inconnu au bataillon, notamment par les plus de 30 ans. Même notre caution jeune Marie de Brouwer n'en avait jamais entendu parler. C'est dire. Et pourtant, Katsai est devenu un phénomène viral adoré par la Gen Z. Il suffit de voir comment ont réagi les candidats de la Star Academy quand leur a annoncé que le groupe serait sur le plateau samedi prochain. Le groupe Katsai nous fait l'honneur de venir partager un titre avec l'une d'entre vous, mesdemoiselles. Oui, Katsai sera sur le plateau avec nous samedi. Ils ont halluciné. Autant vous dire que les venues de Kenji Girac et de Ed Sheeran n'ont pas eu le même effet. Bref, sur les réseaux, les jeunes spectateurs de la Starac ont halluciné que le groupe vienne sur le plateau français. OMG, je hurle de joie, c'est un rêve, ça va être iconique. Bref, vous l'avez compris, samedi, les Katsai, évidemment, sont à la Starac et c'est l'événement à ne pas louper. C'est super tout ça, Manon, mais qui sont les Katsai? On rentre dans la partie boomer de cette chronique, dont malheureusement je fais moi-même partie, car il y a encore quelques semaines, je ne savais pas non plus qui étaient les Katsai. Alors, c'est un girls band, 6 jeunes femmes qui ont entre 17 et 23 ans et qui viennent de pays différents. Manon est italo suisse, Sophia est philippine, Daniela, Megan et Lara sont américaines, et Yongshe est coréenne, sud-coréenne. Elles ont été formées dans l'émission Dream Academy diffusée sur YouTube, le concept recruter des adolescentes pour former un groupe. Elles s'affrontent dans des défis de chant, de danse, de créativité pendant des semaines et ça cartonne puisque les épisodes ont fait des millions de vues. Un projet que l'on doit surtout à deux grosses maisons de disques, l'américaine Geffen Records qui fait partie du groupe Universal et la sud-coréenne HYBE Corporation qui a créé le plus grand groupe de K-pop mondial, BTS. Donc autant dire que c'est un groupe très marketé dès le départ. Totalement, tout a été fait pour qu'elles soient les nouvelles superstars du moment. D'ailleurs, une fois que Katsai a été formée, les filles ont été suivies par Netflix qui a documenté toute la préparation de leur EP. Et dans un documentaire qui s'appelle Popstar Academy, Katsai est sorti en août, comme leur disque, un très très bon coup de com. C'est comme ça qu'elles sont devenues le groupe à suivre du moment. Leur titre Touch est devenu un véritable carton, plus de 500 millions d'écoutes sur Spotify et une chorégraphie reprise partout sur TikTok. Ça ne parle à personne, c'est fou quand même. Non, vraiment pas. Ce qui marche avec elles, c'est qu'elles reprennent les codes de la K-pop tout en étant un groupe international. Et puis surtout, elles représentent aussi l'archétype de la Gen Z qui adore le Y2K, la mode des années 2000. Jean taille basse, haut en rési, basket montante, elles s'affichent même avec des téléphones à clapet dans leurs clips. C'est pour ça que Gap, la marque phare des années 2000, les a choisies pour sa dernière campagne de publicité. Les Katsai dansent en tenue Gap. La marque était quand même devenue un peu has-been, disons-le, ces dernières années, mais grâce au groupe, leur pub a été vue plus de 400 millions de fois sur les réseaux sociaux. L'année prochaine, elles seront à l'affiche de Coachella. Peut-être qu'on a enfin trouvé la relève des Spice Girls. Ne dites pas n'importe quoi, Manon non plus. Je veux bien qu'on découvre des nouveaux groupes, mais Touch, c'est le nom de leur chanson. Oui. Je demande plutôt la chanson Touch de Daft Punk. C'est quand même autre chose. Oh, oui. Excusez-moi. Ça a 15 ans, on passe au Moi, j'ai peur de passer pour un boomer. Je dis ce que je pense. Bonjour, Marion Mésadorian. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous raconter votre joie quand vous avez découvert l'émission Drag Race. Mais oui, et je vous partagerai aussi la joie de ceux que j'ai interviewés. Ah, vous avez interviewé des gens? Oui, j'ai un petit peu. Sans inquiéter. La chronique de Marion Mésadorian, c'est juste après Clips, Chains and Whips sur France Inter. You run from the spirit of repossession to want your name on covers, your necklace. I buy bitches, you buy them sections. You buy watches, I buy collections. Misery's fueling your aggression. Jealousy's turned into obsession. Reality TV is mud wrestling. Some sign checks I know better than. Beware of my name that there's delicate. You know I know where you're delicate. Crush you to pieces, I hum a breath of it. I will close your heaven for the hell of it. You think it'd be valor amongst veterans. I'm watching your fame escape relevance. We all in a room, but here's the elephant. You chasing a feature out of your element. And those lab diamonds under inspection. The question marks block your blessings. It's no tombstones in the desert. I know by now you get the message. Uncle said, nigga, you must be sick. All you talk about is just get rich. Choke my neck, nigga, and ice my bitch. Beat the system with chains and whips. It don't take much to put two and two. Your lucky streak is now losing you. Money's dried up like a cuticle. You're gasping for air now, it's beautiful. John 10:10, that's my usual. Mamas is falling out in funerals. And bomb and blow, they now viewing you. They never find the guns, but the sewers do. Bubbles was sick, he need medicine. Brought him back to life, now he dead again. Richard don't make watches for presidents. Just a million trapped between skeletons. Zoom Zoom Zen, les meilleurs moments sur France Inter. Une humoriste qui bosse, c'est si rare que ça mérite d'être souligné. Marion Mézadorian, il paraît que vous avez fait pas mal de recherches sur les dragues avant de venir. Oui, j'ai lu que l'émission Drag Race était une bible plus fun que l'Ancien Testament. Et ayant fait mon baptême et ma communion, j'aurais tendance à valider cette affirmation assez rapidement, vraiment. Je dirais même qu'après 10 secondes de générique, on se désinscrit des cours de catéchisme. Ça danse, ça chante, c'est festif. Pour les catho-sceptiques, écoutez, franchement, c'est Sister Act mais avec des toches de couleur, vraiment. Le bonheur. Mais enfin, mais si, ici, dans la rue, tout le monde s'habille en gris, en noir. Tu m'étonnes que Drag Race, ça fasse polémique. Rien que moi, dès que je mets un pull rouge, j'entends « Oh, tu t'es pris pour la mère Noël ou quoi ?» Hein ? N'est que le 30 octobre, hein ? Alors, je me suis demandé, mais pourquoi certains refusent cette joie ? De quoi les gens ont peur ? Que nos fils aient envie de porter des robes ? J'ai tapé sur Google. Oui, parce que je suis encore la dernière à taper sur Google. Quels sont les pays où les hommes portent des robes ? Mais tous les pays, en fait ! Les Japonais portent des robes, les Écossais, les Égyptiens, les Marocains, j'en passe, et 1 million d'hommes indiens. Donc tout le monde, sauf nous, on est des naras. On est à la ramasse complet. Et juste en dessous, je lis « Est-il normal que mon garçon veuille porter des robes ? » Bah, s'il est plus cultivé que nous, certainement, oui. C'est pas qu'il est pervers, c'est qu'il est instruit. Vraiment. Allez, on va y arriver, on est en 2025. On est des vioques dans ce pays. On a 115 ans d'âge mental. Et encore, ce serait insulter ma grand-mère. Hein. Quand je lui ai appris que c'était pas que les hommes qui pouvaient faire Drag Race, elle m'a dit « Il est où le formulaire d'inscription ?» Et je dis « Mais mamie, qu'est-ce que tu racontes ? » À 87 ans, elle m'a répondu « Et alors ? Je suis une femme cisgenre, c'est pas encore médiatisé, il y a un boulevard à prendre. » Je lui ai dit « Mais mamie, par contre, il faut parler anglais. Hein. Les queens, elles parlent anglais. » Elle m'a dit « It's not a problem. » Je dis « Pas loin, Lolita, franchement, redescendez, il y a de la concurrence, hein, vraiment. » Et même nos agriculteurs sont à fond. Chez moi, dans le sud à Marseille, ils m'ont dit « Mais on n'en peut plus de l'amour et dans le pré, ça fait 20 ans qu'on bouffe des vaches, mettez-nous de la paillette. » Je suis sûre que si on faisait un sondage, on les retrouverait tous à 23h30 devant la finale Drag Race, les bottes aux pieds. Putain, je suis crevée. Je reprends à 4h du mat demain matin, mais j'ai quand même envie de savoir qui est la reine 2025. Moi, mon père, lui, il est prêt. Hein. C'est un homme, je dirais, semi-déconstruit. C'est-à-dire que l'intention est là, mais on n'a pas encore le vocabulaire. En 2012, je manifestais avec mes potes gays. Mon père m'appelle. « Oh, qu'est-ce que tu fais, Marion ? J'entends la musique et les trompettes derrière. » Je dis « Bah, papa, je manifeste avec Fabien pour qu'il puisse se marier un jour avec l'homme qu'il aime. » Et il m'a répondu « Oh, c'est bien, ma fille. Hein. Je l'ai toujours dit. Chacun fait ce qu'il veut avec son cul. Et les pédés aussi. » Je dis « Alors, papa, on n'est pas pédés, en fait. Hein. » Il m'a dit « Tu as raison. On réserve ça pour le vélodrome. » Je dis « Non. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'homophobie ordinaire, papa. Il me dit « Bon, alors on dit quoi ?» Je lui dis « Ben, on dit homo ou on dit rien, en fait. Quand je parle de toi, je dis pas à mon père, ce bon gros hétéro qui travaille sur les marchés. » Il me dit « Oui, tu as raison. C'est un peu long. » C'est surtout qu'on s'en fout. Quand on vient t'acheter les fruits et légumes, on se dit pas « Ah, super, il est hétéro. Les courgettes seront meilleures. » Non, elles seront meilleures si elles sont bio et locales, mais c'est un autre sujet. Il m'a répondu « Tu as raison, là aussi c'est un ballon. » Il paraît qu'il faut de l'humour pour se lancer dans le drag, je crois que mon père a tout le potentiel. Hein. Et il a rajouté « Attends, mais je réalise, les politiciens en fait, c'est des vrais drag queens, ils ont un costume, Sur les plateaux télé, ils sont maquillés comme les camions volés. Si, si, chez Delahousse, on dirait qu'il a mis la tête dans le plâtre. À l'Assemblée, ils font du playback. Et aux élections, ils nous ont bien fait rire, hein. Si, si, si, ils nous ont bien fait rire. Quand le cornu s'est recorné deux jours après, je peux te dire que j'ai bien rigolé, hein. J'ai rigolé jaune, mais j'ai rigolé. Alors, ce que je me dis, c'est que pendant que nous, on parle et on rit, là, des lois se font, se discutent et se signent sur les droits des uns et des autres. Alors, je dirais juste une chose. Merci, Drag Race, d'avoir redonné la parole aux queens. Certains ont beaucoup trop longtemps parlé pour elles. Merci, Marion Mézadorian. Merci à toutes et merci à tous d'avoir passé une heure avec nous. On se retrouve demain à 17h. Et d'ici là, passez évidemment un sublime réveillon de Noël. France Inter. À vos côtés. Toute la nuit. Bonne nuit sur France Inter. Il est 1h, le flash, Emma Julie. Il est important d'être prudente, en père Christophe Marion. Débuté Ensemble pour la République du Loir-et-Cher sur France Info, alors qu'un projet de reprise d'un site du groupe d'électroménager Brandt a été annoncé ce mercredi, le député Christophe Marion appelle à travailler dans l'ordre et surtout à ne pas vendre du rêve quand on n'est pas certain que le projet ira au bout. Le PDG de Thomson Computing se dit prêt à reprendre 150 des 300 salariés du site situé près d'Orléans. Le blocage de l'autoroute A64 a pris une tournure un peu festive ce mercredi soir avec une messe de Noël sous un sapin et avec des huîtres à Carbonne au sud de Toulouse. 13e jour de mobilisation sur place des agriculteurs opposés à la gestion par le gouvernement de la dermatose nodulaire contagieuse. Messe de Noël aussi à Sestas en Gironde où l'A63 est toujours bloquée. Et autre messe ce soir, la première du pontificat de Léon XIV dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Il est sorti juste avant la cérémonie sur le parvis de la place Saint-Pierre pour saluer les quelques 5000 fidèles réunis pour suivre l'événement sur écran géant. La France, l'Italie, le Canada et 11 autres pays lancent un appel à Israël ce mercredi soir pour condamner la création de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée. Elles ont été approuvées dimanche par le gouvernement israélien. Les signataires de l'appel évoquent une violation du droit international qui risque de compromettre le plan de paix pour Gaza. Tout ça alors qu'Israël avait annoncé un peu plus tôt dans la journée investir 110 milliards de dollars en 10 ans dans la défense. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou dit vouloir construire une industrie d'armement indépendante alors que la plupart des équipements militaires israéliens viennent aujourd'hui des États-Unis. Paris qualifie d'hostile la loi adoptée par le Parlement algérien, un texte qui criminalise la colonisation française, période qui a duré 132 ans. L'Algérie qui réclame aussi à travers ce texte des excuses officielles et des indemnisations, décision qui intervient alors que les deux pays sont englués dans une crise diplomatique. La Syrie dit avoir arrêté ce mercredi soir un haut responsable de l'État islamique. Il s'agit de Taha al-Zoubi, chef de l'organisation terroriste à Damas. Arrestation relation avec le concours de la coalition internationale anti-djihadiste menée par les États-Unis. L'Union européenne exige des clarifications après les sanctions imposées par l'administration Trump à l'ancien commissaire européen Thierry Breton et quatre autres personnalités. Tous se voient interdits de séjour sur le sol américain. Le français Thierry Breton a été l'artisan de la directive européenne sur les services numériques. Elle impose aux plateformes des régulations jugées par les États-Unis comme une atteinte à la liberté d'expression. Chasse-neige et salage. Les équipes des routes sont sur le front dans plusieurs départements. Des flocons sont en train de tomber dans l'est et le centre de la France. En Drôme et en Ardèche, entre 3 et 7 cm de neige sont attendus. Les deux départements sont en vigilance orange, neige et verglas. Bonjour, c'est Ali Rebeil. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À l'occasion des repas de fête, nous sommes nombreux à boire un peu plus que d'habitude et pour moi, un ami, ça n'a pas de prix. Du coup, je reste vigilant et si un ami a bu un verre de trop, je le raccompagne ou lui propose un taxi. Je garde sa voiture et il reviendra la chercher le lendemain. Parce que quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, vivre ensemble. Ceci est un message du gouvernement. Inter. France Inter, SOS Noël, Eva Rock. Du haut de ses 14 ans, Pauline a continué à poser des questions. Pourquoi pendant les repas de famille, certains sont naturels et d'autres se donnent un rôle social? On se retrouve à Noël par habitude ou parce qu'on a vraiment envie d'être ensemble? Elle a aussi demandé, les retrouvailles, ça sert à réparer le passé ou à mieux vivre le présent? Bon bah, chaos debout, chaos et sans réponse satisfaisante. J'ai juste cru comprendre à travers ces questions que les repas de famille ne devaient pas être de tout repos. Pendant que chez moi, le tour de table ressemble à un sketch géant où les seuls éclats de voix sont des fous rires. À chacun sa famille, à chacun son repas, parfois ça dérape, le conflit éclate. Heureusement, SOS Noël débarque avec des solutions. N'hésitez pas à nous raconter comment ça se passe chez vous. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000. Vous pouvez également passer par WhatsApp et par l'application Radio France pour vos messages vocaux ou écrits grâce au bouton Réagir, les enfants appelés.